La peur fait partie de l'intelligence dans l'homme et la crainte fait partie de la réaction psychologique de l'ego à des événements qu'il ne peut pas parfaitement comprendre dans un aspect de synthèse. Donc, si vous avez des craintes, organisez-vous pour les éliminer. Buvez du coke, je ne sais pas, faites quelque chose. Allez voir les psychologues. Si vous avez peur des chats, mais amenez-en un chez vous. Mais la peur, vous devrez apprendre à la vivre. Et lorsque vous aurez appris à la vivre, elle graduellement disparaîtra parce que vous entrerez dans votre intelligence, parce que c'est sa fonction. Pourquoi disons-nous sur la Terre que l'ignorance est à la source de la souffrance humaine? Parce que l'ignorance maintient la peur. Si l'homme n'était pas ignorant, si l'homme était dans son intelligence, la peur disparaîtrait de la planète et disparaîtrait de l'homme. C'est pourquoi les gens qui vont vers une évolution ou les gens qui entendent des propos, je parle des miens, je ne vais pas parler de ceux des autres, mais les gens qui entendent des propos qui viennent de ma bouche et qui ont peur, s'infligent eux-mêmes une perte de conscience. Peur de quoi? Mais dans le fond, ce ne sont pas des peurs, c'est de la crainte. Et l'homme a difficulté à voir la différence entre la crainte en lui et la peur. Il ne voit pas. Pour lui, la peur et la crainte, c'est pas mal la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais malheureusement, il vit de la peur et automatiquement, il l'interprète comme de la crainte. Et s'il interprète la peur comme de la crainte, automatiquement, il va se situer vis-à-vis ma personne. Il va dire que c'est ma personne qui le trouble. Ce n'est pas ma personne qui le trouble. Je ne trouble pas l'homme. Je dis à l'homme des choses. Lui est troublé parce que son astralité est trop dense. D'où la peur. Et d'où l'interprétation de la peur, la crainte vis-à-vis ma personne. C'est absolument ridicule. Et en plus, ça empêche l'homme d'accélérer son évolution et d'en arriver un jour, dans un temps suffisamment court, à être bien dans sa peau. Ah, je ne dis pas, si je vous prenais par le cou, je vous mettais dans une tour, barrée à clé, ah là, vous pourriez dire, ce type-là, il me fait quelque chose. Vous auriez raison de dire, il me fait peur, il me domine, il m'incarcère contre mon droit à ma liberté. Mais ce n'est pas le cas. Alors, l'homme doit être capable de pouvoir absorber des données qui, naturellement, créent un choc dans la conscience astrale. C'est justement pourquoi ces données sont faites, sont rendues publiques à l'homme, pour qu'un choc soit créé dans la conscience astrale, pour qu'il puisse éventuellement vivre la connexion de son esprit qui commencera ensuite le travail. Les données que je donne au public, c'est pour allumer, rendre conscient vibratoirement l'homme de son esprit, pour que son esprit puisse ensuite commencer le travail de pénétration à travers sa conscience astrale. Si et aussitôt que l'homme aura reconnu que la peur ne vient pas, n'est pas de sa faute, qu'elle n'est pas le produit de son ego, qu'elle est le produit de la pénétration d'une énergie en lui qui est très forte, à travers une énergie qui est plus basse en vibration, qui est inférieure, qui fait partie de sa nature animale, l'homme aura commencé à comprendre pourquoi il a peur. Et quand l'homme commencera à comprendre pourquoi il a peur, il commencera à réaliser pourquoi il doit avoir peur. Pourquoi il est bon qu'il ait peur. Quand l'homme commence à entrer dans l'intelligence de sa peur, il commence à comprendre ce qui doit être changé en lui. Quand il commence à comprendre ce qui doit être changé en lui, il voit ce qui se change en lui. Donc, tant que l'homme n'a pas vécu, connu, saisi, réalisé profondément la peur, il ne souffre pas dans l'âme. Parce que qu'est-ce que c'est la fonction de la peur? C'est de faire souffrir l'homme dans l'âme, pas dans l'intellect. Dans l'âme, autrement dit, dans l'atome même de son corps astral. Il faut que l'atome même du corps astral vibre, non pas simplement les couches périphériques, qui sont les couches de l'imagination, mais le fond même de sa conscience astrale. Et lorsque l'homme commence à vivre au niveau de la souffrance dans l'âme à cause de cette peur, il commence à comprendre le mécanisme de transformation de ses corps. Il commence à réaliser et à mesurer son avancement dans la conscience, autrement dit dans son intelligence. Il commence même à être capable de dire « Ah, aujourd'hui, je suis plus intelligent qu'il y a 2 heures. » Et quand l'homme est capable de mesurer les changements vibratoires dans sa conscience et qu'il est capable de mesurer le changement vibratoire qui crée une plus haute intelligence, l'homme commence à réaliser quelque chose d'absolument extraordinaire. Il commence à entrer dans la destinée de son intelligence. Donc, il commence à être capable de savoir ce qu'il peut faire sur la Terre et ce qu'il ne peut pas faire encore sur la Terre. Donc, il entre dans le pouvoir de son intelligence. Il peut mesurer le temps, 2 ans, 5 ans, 10 ans, où il pourra faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Il est dans sa destinée. D'ici à ce temps-là, il est dans un plan de vie. Autrement dit, il est assujetti à une très grande ou une trop grande astralité. Ne vous laissez pas berner ou biaisé dans votre compréhension par des hommes qui vous disent que eux n'ont pas peur. Je ne connais pas d'hommes qui n'ont pas peur. Je connais des hommes qui camouflent leurs craintes. Il y a des éléments extérieurs qui peuvent permettre à un homme de camoufler sa peur. La dimension physique, le pouvoir financier, le pouvoir politique. Tous les hommes ont peur. Mais les hommes auront peur à différents niveaux. Mais lorsque l'homme entre en contact avec les couches éthériques de sa conscience, lorsque l'homme entre dans l'invisible au niveau de son esprit, lorsqu'il prend possession de son esprit, lorsqu'il entre dans la lumière de son double, lorsqu'il sort de son astralité, il commence à voir que ce ne sont plus les dimensions physiques qui sont la mesure de sa sécurité psychologique, mais que c'est réellement le pouvoir de son intelligence. Si nous allons plus loin dans la compréhension des mécanismes de la peur, nous réalisons 2 choses. Que la peur, elle est toujours créée à la mesure de la sensibilité de l'homme et non à la mesure de son intelligence. Autrement dit, plus une personne est sensible, plus il vivra une peur à la hauteur de sa sensibilité. Pourquoi? Parce que la fonction ou le travail de l'esprit contre l'astral, c'est de détruire chez l'homme une sensibilité qui est construite, qui est faite d'astralité, sans intelligence. Faut que l'homme un jour en arrive à avoir sa sensibilité, mais une sensibilité rendue intelligente. Autrement dit, il faut que son intelligence, son esprit, soit toujours en mesure de contrôler son énergie astrale. Si c'est le contraire, si c'est l'énergie astrale qui contrôle ou qui donne à l'homme l'allure dans son comportement, à ce moment-là, l'homme perd de l'intelligence. Et sa sensibilité, au lieu de lui permettre de recevoir, de percevoir certaines vibrations, lui permettra simplement de souffrir d'une certaine façon. Oh. La sensibilité qui n'est pas rendue intelligente par une coordination entre l'esprit et le corps astral n'est pas bonne pour l'homme. Exemple. La jeune fille est en amour, elle aime. Un jour, elle reçoit un coup de téléphone et son ami lui dit « Ah, je me suis fait une autre blonde. » Elle tombe en dépression. Elle ne peut plus aller à l'école. Elle ne veut plus travailler. Elle meurt un peu. Qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'elle a reçu un choc au niveau de son corps astral. Et comme il n'y a pas d'intelligence dans le corps astral, elle ne peut pas avoir accès à de l'esprit. Donc, elle n'a pas accès à de la volonté. Donc, elle tombe en dépression. Mais si elle était dans son intelligence, cette jeune fille-là, si elle avait une plus grande proportion d'intelligence que d'astralité, elle dirait, bon, un perdu, deux heures trouvées. Voyez? C'est rendu à 30 ans et à 35 ans qu'elle aura découvert ceci. Vous demandez à une femme de 35 ans aujourd'hui qui perd son nounou, elle vous dira, un perdu, dix retrouvés. Mais à 17 ans, c'est pas ça. C'est la fin du monde. Pourquoi? Parce que la sensibilité est trop grande à cause du manque d'expérience, mais dans le fond de tout, à cause du manque d'intelligence. Autrement dit, à cause du fait que le travail de l'esprit n'a pas été commencé, donc la pénétration de son énergie à travers l'astralité de la personne n'a pas été encore fait. Et c'est la situation de l'homme. Je vous donne un exemple purement graphique pour délimiter le contour de ce que je veux expliquer, mais c'est la situation de l'homme. C'est impossible à un homme de souffrir dans sa sensibilité s'il a de l'intelligence lorsque se vit le choc, ou de souffrir à un point où il perdra contenance, où il perdra de la vitalité astrale. Et l'homme a besoin de sa vitalité astrale. L'homme a besoin de son astralité. Je parle toujours de l'astral comme si c'était un monstre. Mais quand je parle de l'astral, je montre les aspects subjectifs de l'astral qui empêchent l'homme d'être dans son intelligence. Je sais que si nous prenions 100 personnes dans la salle et qu'il était possible à ces 100 personnes de vivre la peur d'un événement qui est empêché à cause de leur astralité, ces 100 personnes changeraient de vie comme ça, d'un jour à l'autre, au lieu d'attendre dans 2 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans, parce que l'homme, à cause de sa sensibilité, à cause de l'effet astral sur son intelligence, n'est pas capable de vivre sa vie selon ce qu'il doit faire, parce qu'il n'a pas l'intelligence de sa vie. Donc, il se replie sur ses sentiments, il se replie sur ses émotions, sur ses craintes, et il s'empêche de faire ce qu'il doit faire pour en arriver un jour à avoir une suprématie d'intelligence contre un état purement mécanique, affectif, d'astralité qui lui sert comme outil sur le plan matériel. C'est ça qui fait que les hommes sont malheureux. Si l'homme peut comprendre que la peur a son origine sur des plans de lumière et non dans des plans de ténèbres, il comprendra suffisamment rapidement qu'il n'a pas à avoir peur d'avoir peur. Nous avons l'impression, nous les hommes, jusqu'au jour où nous sommes suffisamment dans l'intelligence, nous avons l'impression que notre vie sur le plan des événements est sous notre contrôle. Mais plus nous entrons dans notre intelligence, plus nous réalisons que notre vie n'est pas sous notre contrôle. Et tant que nous ne sommes pas suffisamment dans cette énergie, tant que nous ne réalisons pas ceci, c'est parce qu'il y a beaucoup plus d'astralité en nous que d'intelligence. Qu'est-ce que c'est de l'astralité? C'est la nature planétaire de l'homme. C'est la nature inférieure animale de l'homme. C'est le matériel qui empêche l'homme d'être ce que vous appelez entre parenthèses heureux, ce que j'appelle moi bien dans sa peau. C'est très facile pour l'homme de se créer des situations pour s'empêcher d'avoir peur. Moi, j'ai des amis ou j'ai des gens que je connais qui ne veulent pas trop parler avec moi parce qu'ils ne veulent pas avoir peur. Donc, ils se nourrissent de leur crainte. Ça, c'est leur vie. Je peux pas aller les chercher comme des enfants, ces gens. Alors, ils sont obligés de vivre de cette crainte pendant des années. C'est pas une vie. Avoir peur, c'est normal. Craindre, c'est une perte d'énergie. Quand on comprend qu'est-ce que c'est avoir peur, à ce moment-là, on n'a plus peur d'avoir peur. Donc, quand ça ne se manifeste pas l'événement qui le crée, on est bien. Quand ça se manifeste, on la vit. On devient plus intelligent. Le phénomène d'avoir peur disparaît parce que l'astralité change. Et ce qui est dommage dans le phénomène de la peur, c'est la violence. L'homme qui se conscientise devient de plus en plus conscient de la violence psychologique parce qu'il devient beaucoup plus vibrant. C'est-à-dire que c'est l'esprit qui se rend compte ou qui rencontre à l'ego. Et quand l'esprit de l'homme rencontre à l'ego, l'ego voit beaucoup de choses. Mais je connais des gens parmi vous qui ont beaucoup de peur et c'est de cette peur que naît leur violence psychologique. C'est son antithèse. Mais viendra un jour que les hommes qui ont trop de violence psychologique seront rejetés par les hommes qui sont trop avancer dans une certaine conscience parce qu'ils ne voudront plus perdre d'énergie avec ces êtres-là. Donc, un jour, vous pouvez vous attendre à perdre des amitiés, des amis. Parce que vous n'aurez pas compris votre peur. Si les gens comprenaient leur peur, la violence psychologique disparaîtrait de leur conscience. Parce qu'ils sauraient que la peur, elle est là, elle est installée en eux pour une certaine évolution, pour un certain travail. Elle perd de sa réflexologie. Elle n'est plus réflexive. Elle est totalement créative, mais sans ou en dehors du contrôle de l'homme. Mais si l'homme ne saisit pas ceci, automatiquement, il prendra son ego en gage. Et il voudra, sans nécessairement le vouloir, mais il voudra se protéger contre cette peur qu'il ne comprend pas. Et automatiquement, pour se protéger, il deviendra violent dans la parole. Et s'il devient violent par la parole, à un certain moment, ceux qui sont trop dans leur esprit, dans leur intelligence, dans leur sensibilité vibratoire, ne pourront plus les côtoyer. Ils seront seuls. Et la violence psychologique, bien qu'elle puisse être éliminée dans une société, parce que dans une société, l'homme n'est pas obligé de la côtoyer, le même phénomène peut se retrouver dans le couple. S'il y a de la violence psychologique dans le couple, et que l'homme n'arrive pas un jour à sortir de cette violence psychologique, il se peut très très bien que l'autre partie du couple vous laisse parce que cette autre partie du couple ne pourra plus souffrir cette violence psychologique parce que vous n'aurez pas compris votre peur. N'oubliez pas, quand je vous explique des choses, je vous explique des lois qui sont fixes, des lois qui sont absolues, des lois qui font partie de la structure de l'homme. Que vous le réalisiez aujourd'hui ou demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, vous le réaliserez un jour. La violence psychologique ne peut pas exister chez deux êtres qui se côtoient dans une intelligence universelle. Aucunement, c'est impossible. Donc, rupture. La compréhension des mécanismes de la peur, objectivement, crée chez l'homme une très grande force. J'explique. Quand l'homme commence à comprendre la peur, qu'il commence à réaliser objectivement quelle est la pénétration de l'énergie de son esprit à travers son astralité, il prend conscience d'une sorte de neutralité, d'une sorte d'inébranlabilité, une sorte d'invincibilité psychologique. Il commence à prendre conscience d'être imbattable. Éventuellement, il en arrive à un état où il prend conscience d'être intouchable. Ça fait partie de la conscience dans l'intelligence de l'homme. Donc, ne se sentant plus menacé dans le monde, à aucun niveau. Et au stade où je parle avec vous, je ne parle pas de la menace sur le plan planétaire. Je parle de la menace entre vous-même, quand vous vous parlez, quand vous vous rencontrez, la menace qui existe. Et qui vous mène à la critique. Parce que la critique est le produit de la crainte qui prend son origine dans l'incompréhension des mécanismes de la peur. Il y a une différence entre faire des observations sur le plan social dans une société et critiquer l'homme. On se critique, on critique l'homme pour se donner une certaine panache. C'est très facile de critiquer l'homme, c'est la chose la plus facile au monde de critiquer l'homme, parce que l'ego se sert de ses craintes pour renforcer sa fausse image. Faire des observations d'intelligence sur le comportement humain implique automatiquement une certaine vibration, un certain détachement dans l'ego. Donc, l'homme, celui qui parle, comme celui qui entend, bénéficie de l'observation. Ce n'est plus une critique. C'est une mise en page d'une certaine situation qui permet à tous qui la voient ou qui la regardent de bien comprendre les mécanismes de l'ego, ainsi de suite, au cours de l'évolution de l'homme. Mais de là, critiquer l'homme, c'est une autre paire de manches. Et c'est une très mauvaise habitude. Et ceci est rattaché à la crainte. C'est très subtil, la crainte. La peur, c'est pas subtil, mais la crainte, c'est subtil. La peur, c'est évident. Mais la crainte, c'est subtil. On ne voit pas toujours nos craintes. On ne peut pas éviter nos peurs. Donc, on peut se facilement complaire dans la critique. Alors, si nous réalisons ou si nous faisons une équation et que nous voyons que la peur ne fait pas partie de l'ego, que la peur est une création instantanée dans l'homme à travers son astralité pour que se fasse la connexion entre l'ego et l'intelligence, et que la crainte est un processus de réflexologie, de réflexion au niveau du mental humain, et que ceci mène à la critique, nous voyons trois différents états chez l'homme. Et vous verrez que dans l'homme qui n'a pas peur, il n'y a jamais de critique, il n'y a jamais de crainte. Dans l'homme qui ne comprend pas sa peur, il peut y avoir de la crainte, donc de la critique. Et dans l'homme qui souffre trop de sa crainte et qui est très loin de comprendre sa peur, il peut être constamment dans un état psychologique de critique. Et les gens qui critiquent et qui critiquent et qui critiquent sont des gens qui sont prisonniers de leur crainte et qui sont très loin d'avoir compris les mécanismes de la peur. Tout se tient dans l'homme parfaitement. Et tout s'explique dans l'homme parfaitement. Et tout se comprend dans l'homme parfaitement. La psychologie, c'est une science mentale. Ce n'est pas une attitude ou une prédisposition philosophique. C'est une science mentale, la psychologie. Et l'homme ne la connaît pas encore parce qu'elle n'est pas encore établie sur la Terre. Et lorsque l'homme sera dans la science mentale de la psychologie, il comprendrait tous les aspects du fardeau qui lui est imposé sur le plan matériel en fonction des forces de vie qui pénètrent son astralité. Parce que les forces de vie qui pénètrent l'astralité de l'homme ont commencé le travail depuis des siècles, des millénaires. C'est simplement à la fin du 20e siècle que ces forces de vie choisissent les individus qui sont les plus prêts de pouvoir transmuter cette astralité, qui sont mûrs. Donc, les hommes qui vivront ce contact avec les forces de vie, automatiquement devront comprendre l'empire de la peur sur l'ego. Pour que l'ego, une fois pour toutes, soit libéré du poids de cette peur qu'il ne comprend pas parce qu'il n'a pas eu dans le passé suffisante instruction, parce que le temps n'était pas venu. Les psychologues parlent souvent de l'inconscient. Et j'ai déjà dit que l'inconscient, ça n'existe pas. Le subconscient, ça n'existe pas. Ça existe parce que les gens sont inconscients. Mais le subconscient, ça n'existe pas et l'inconscient non plus parce que c'est une réalité qui prend sa place dans l'expérience de l'homme. À cause d'un fait seulement, que l'énergie de sa propre intelligence n'a pas fait éclater les murs de ce territoire qu'on appelle le subconscient. Et les psychologues font l'erreur de placer ou de situer la peur dans le subconscient. La peur n'a rien à faire avec le subconscient. La peur est le produit, est un processus de pénétration de l'énergie dans et à travers ce que vous appelez le subconscient. La peur ne naît pas du subconscient. Aucune. Regardez ceux qui ont parmi vous un écran mental. Regardez les pires scènes de l'astral. Les pires. Et regardez-les froidement. Conscient de votre intelligence qui regarde, et vous verrez que ces scènes disparaîtront comme ça. Perdez conscience de votre intelligence. Le moindrement, perdrez conscience de votre rapport avec vous-même sur d'autres plans, et vous verrez que ces images demeurent et viendront vous hanter. Cette dame dont je parlais de la Roumanie, qui est assujetti à cette voyance, réalisera que ce qu'elle va dire au début, c'est drôle que je rencontre ce bonhomme et il me dit que ça ne va pas se produire. Et ça ne se produit pas. Elle ne comprendra pas le mécanisme. Elle ne comprendra pas au début que c'est un jeu, ça. Que la mort de telle personne, la mort de telle personne, la mort de telle personne, autrement dit, l'information, ce n'est pas une information fatale. C'est une information précise. La fatalité, ça n'existe pas. Si elle savait que la fatalité n'existe pas, elle n'aurait pas craint de la continuité ou du caractère séquentiel de cette information. Elle saurait que le bonhomme, il ne meurt pas, mais elle est assujettie à la fatalité. Parce qu'elle est assujettie à son astralité, parce qu'elle n'a pas contact avec son intelligence. Si elle avait contact avec son intelligence, elle saurait que tout ceci est un jeu qui la prépare à son contact avec l'intelligence. Et nous vivons notre vie ainsi. Nous vivons notre vie constamment confrontée dans une certaine fatalité. Il y a une relation entre la fatalité qui est purement illusoire et avec la crainte qu'elle crée dans l'homme. Ceux qui souffrent ou ceux qui commencent à souffrir de la conscientisation, de la pénétration de l'énergie de l'esprit dans l'astral, savent que avant de dire aujourd'hui oh, ça va bien, qu'ils doivent y penser deux fois parce qu'ils savent que demain probablement ça va aller mal. Donc il se définit, il se développe une sorte de fatalité dans l'événement, et c'est seulement un jour à un certain point dans leur évolution qu'ils ne seront plus assujettis à cette sorte de fatalité, que s'ils disent que ça va bien un jour, demain aussi ça va aller bien, dans trois jours ça va aller bien. Mais pourquoi ils pourront l'affirmer? Pourquoi? Parce qu'ils seront dans leur intelligence et non plus assujettis au combat entre leur esprit et l'astral qui crée l'expérience de la fatalité. Autrement dit, tant que l'homme sera obligé de subir le combat entre l'esprit et l'astral, il vivra une certaine fatalité. Lorsque le combat entre l'esprit et l'astral sera consommé, il n'y aura plus de fatalité dans l'homme, la vie de l'homme sera égale, elle sera permanente et son harmonie sera permanente. Mais ça fait partie du pouvoir de la vie sur la Terre. Ça fait partie du pouvoir de l'intelligence dans l'homme. Ça fait partie du déséquilibre créé par la perturbation en vertu du choc de pénétration de l'énergie de l'esprit à travers la conscience astrale de l'homme. C'est pour ça qu'il semble que la fatalité fasse partie des événements de la Terre. La fatalité ne fait pas partie des événements de la Terre. Un homme qui n'est plus dans l'énergie de l'astral et qui est dans son intelligence peut, avec très grande facilité, arrêter l'acheminement de la fatalité dans la vie d'une autre personne. Et cette personne-là, ne comprenant pas ce qui se passe, croira que c'est à cause de ce bonhomme que la fatalité est arrêtée. Ce n'est pas à cause de ce bonhomme que la fatalité est arrêtée. C'est à cause du fait que le bonhomme comprend les lois de la fatalité. Et on me dira, mais oui, mais si elle t'avait pas connu, cette Roumaine, j'aurais dit, les si n'existent pas. Tu comprends? Dans l'autre tranche de cette conférence, je veux faire une différence qualitative dans la nature de la peur. Autrement dit, je vais faire comme je vais vous indiquer ce qui fait que la peur est abusive dans l'expérience, contre ce qui fait que la peur est simplement un test. Alors, dans le domaine, dans l'expérience de la peur, quand je parle au niveau, là, je parle réellement pour les gens qui ont des communications à un niveau ou à un autre. Alors, dans le domaine de la communication, il y a deux sortes de peur. Il y a la peur qui est abusive et il y a la peur qui est un test. La peur qui est abusive, c'est la peur qui est créée. Dans le fond, c'est pas une peur. Ça devient une peur, mais ça se situe au niveau de la crainte. C'est les communications aberrantes, souvent, qui viennent de l'astral. Oubliez pas que je vous ai dit que la peur, c'est quelque chose qui vient de l'esprit vers l'astral. La peur ne vient jamais de l'astral. Les craintes viennent de l'astral. La peur, elle vient toujours du fait. C'est bien important. Un jour, vous avez dit comment c'était vrai. La peur, elle vient toujours du fait, du contact, du choc créé par l'intelligence qui rentre dans l'éther astral. Ça crée de la peur. C'est bon que vous le sachiez un jour, parce qu'un jour, quand vous l'aurez, vous saurez qu'est-ce que c'est. Tandis que la crainte, c'est une activité astrale. Dans l'expérience, c'est bien délicat, ça, c'est pour ça que c'est difficile à expliquer. Dans l'expérience universelle de ce que vous autres vous appelez, moi, c'est facile pour moi de voir la différence entre la peur et de la crainte, parce que je suis habitué. Mais quand on n'est pas habitué, on ne voit pas facilement la différence entre la peur et de la crainte, puis c'est ça que je veux essayer de définir. Puis dans votre expérience, mais vous pourrez vivre la corroboration de ça. Dans la crainte, vous pouvez connaître, vous, de la peur abusive. Autrement dit, votre relation avec l'astral peut vous créer de la peur abusive. Autrement dit, vous pouvez être abusé astralement. Et l'abus astral existe pour tous les hommes sur la Terre qui sont moindrement sensibles. Les médiums, les psychiques, les gens qui ont une grande sensibilité ou les gens qui ont des contacts dans le monde puis qui vivent ça, puis qui subissent ça, puis c'est des fois ça les amène à la paranoïa. Tout le contact astral avec l'ego, c'est abusif. Puis c'est tout le temps abusif. C'est tout le temps abusif, le contact astral avec l'ego. C'est pour ça que le contact astral avec l'ego, c'est pas bon pour l'âme. Ça fait partie d'être psychique. Puis être psychique, ça vaut pas de la merde. Parce que être psychique, c'est remplacer notre intelligence par l'intelligence d'entité dans l'astral. Comprenez-vous, avez-vous dit, la différence? Puis les gens qui se sensibilisent, puis qui se conscientisent, puis qui automatiquement deviennent plus sensibles à l'astral, parce qu'ils fonctionnent moins au niveau d'intellect, peuvent passer par une expérience d'abus à cause de leur sensibilisation à l'astral, et à cause de leur naïveté, puis à cause de leur manque de discernement. Et si, pour une raison ou une autre, l'astral est... vous dit ou vous envoie de l'information qui corrobore les événements, bien, automatiquement, l'ego, lui, qui est naïf, va prendre ça pour du cash, puis il va y croire, parce que ça marche, comme la roumaine. C'est roumanien ou roumaine qu'on dit, Pierre? Roumaine? Roumaine. Comme la roumaine. Alors, c'est pas parce qu'on reçoit de l'information de l'astral qui corrobore les faits qu'on est nécessairement à l'abri de la contagion astrale contre notre intelligence. C'est pour ça que personnellement, ce qui est psychique, le psychisme, autrement dit l'astralité convaincante et qui peut être très puissante chez l'homme, c'est dangereux, ça fait partie de l'évolution, c'est une période de transition entre l'inconscience totale intellectuelle et la grande conscience de l'intelligence pure. Alors, dans cette période-là, il y a énormément d'expériences que l'homme sensible peut vivre, et il y a énormément de troubles qu'il peut vivre aussi psychiquement, s'il n'est pas suffisamment fort en esprit, puis ça peut l'amener très loin. Alors, les communications astrales vers l'homme sont abusives, et même dans l'expression de vérité, vous découvrirez un jour qu'il y a de l'abus. C'est pour ça que je vous ai déjà dit un jour. Quand vous serez intelligent, quand vous serez dans votre intelligence, vous saurez, vous réaliserez que la vérité, ça n'existe pas. Que la vérité, c'est une polarité dans la forme qui est très convaincante pour l'ego et qui sert extrêmement à l'astral pour manipuler l'homme sur le plan matériel. Et de ce phénomène-là, du phénomène de communication entre l'astral et l'homme, ce naît ce qu'on appelle la peur ou la crainte. Moi, j'appelle ça de la peur parce que ça vient pas de l'esprit. J'appelle ça de la crainte parce que ça vient pas de l'esprit, mais pour l'homme, c'est de la peur. Donc, j'appelle ça de la peur, mais entre parenthèses. Alors, ça crée de la peur ou de la crainte, dans un mot plus juste, et l'homme doit un jour éviter à tout prix de prendre au sérieux les communications qui viennent de l'astral vers lui pour s'éviter des craintes. L'homme ne peut pas empêcher la peur dans le contexte que moi je le définis. L'homme ne peut pas empêcher la peur parce que la peur vient de l'esprit. Mais l'esprit n'est jamais abusif. L'esprit peut tester l'homme. L'esprit peut vous dire telle chose, puis ça sera pas ça. Puis à part ça, je vais vous dire une chose. L'esprit est beaucoup plus menteur que l'astral. Écoutez-moi bien. L'esprit est beaucoup plus menteur que l'astral parce que la fonction de l'esprit, c'est de détruire l'attachement à la forme, qui est une faculté astrale chez l'homme. Donc, l'esprit est beaucoup plus menteur que l'astral et automatiquement, l'esprit testera toujours l'homme au niveau astral. Et c'est comme ça que l'esprit détruit l'astral. Si l'esprit vous donne de l'information correcte tout le temps, il ne détruit pas l'astral. Il passe à travers et votre astralité, qui colore votre ego, va prendre ça pour lui-même. Si l'esprit donne de l'information à l'homme sans que l'astral soit détruit, l'homme va développer une sorte d'orgueil, une sorte de prétention dans son psychisme. Alors, l'esprit, dans son activité contre l'astral, va chercher bien plus à vous tester dans votre discernement que de vous donner de l'information qui est précise. Quand l'esprit vous donnera de l'information qui est précise, c'est parce que vous serez dedans les deux pieds. Vous n'aurez pas un pied dans l'astral puis un pied dans l'esprit. Dans l'autre volet, l'information qui vous vient de l'astral, elle peut être abusive dans le sens qu'elle va se servir de votre émotivité pour vous faire croire quelque chose qui est ou qui peut enflammer chez vous un certain intérêt. Je comprends ce que je fais. Je peux mesurer ce que je fais. Mais je ne sais pas qui je suis, parce que savoir qui je suis, ça voudrait dire m'attacher à une forme qui qualifie mon action sur le plan matériel. Pour moi, ça n'existe pas parce que je n'ai pas d'ego. Fait que j'ai pas besoin de savoir qui je suis. Je fais ce que je suis. Et c'est le fait que je fais ce que je suis qui fait que des gens veulent mesurer ça et trouver qui je suis. Vous allez vous fourvoyer. Fait que si moi, je sais pas qui je suis, à l'intérieur d'une forme qui qualifie mon action planétaire, les chances que vous le sachiez pas, vous autres, sont un petit peu plus grandes. Les communications astrales avec l'homme crée de la crainte, amplifie la psychologie de l'homme, amplifie la forme et empêche l'homme de rentrer à son intelligence. Quand tu es conscient, tu n'as pas besoin de savoir qui tu es. Tu es ce que tu manifestes. Tu es ce que tu manifestes. Fait que tu n'es pas intéressé à savoir qui tu es. Ça ne peut pas même exister dans ta tête, ça, savoir qui tu es. C'est de la réflexion de l'ego, ça, savoir qui tu es. Alors, plus l'homme entre dans... Plus l'esprit rentre dans l'homme, plus l'esprit est obligé de tester l'homme, tester son astralité, tester automatiquement les formes auxquelles il s'attache pour se sécuriser émotivement et intellectuellement. C'est pour ça que c'est probablement une des plus grandes percées de l'intelligence humaine depuis le début de l'évolution de l'homme, de comprendre et de réaliser que la vérité, ça n'existe pas. C'est une condition psychologique de la forme, la vérité. Et si vous recevez de l'information de l'astral qui vous dit de la vérité, c'est encore pour fourvoyer votre intelligence, parce que l'homme n'a pas besoin de vérité pour être. L'homme n'a pas besoin de vérité pour être. Il a besoin de l'intelligence qui crée de la forme qui peut devenir véritable ou fausse selon son intelligence. L'homme n'a pas besoin de vérité pour être. Puis tant que vous ne comprendrez pas ça, vous serez assujetti à des impressions placées dans votre conscience astrale, et automatiquement, ça vous empêchera d'être dans votre intelligence. La vérité, ça ne sert pas l'homme, ça sert l'astral dans l'homme. Le mensonge, ça dessert l'homme pour le profit de l'astral. Et la vérité, c'est une forme de mensonge, tout le temps. Parce que la vérité n'est jamais parfaite. Parce que la perfection n'existe pas dans l'astral. La perfection n'existe que dans l'intelligence. Et comme de l'intelligence, ça ne se pense pas, et que seules les formes se pensent, donc seul l'astral peut être amené au niveau du mensonge et de la vérité. Tant que l'homme ne sera pas sorti de ça, il sera dans la merde. Et c'est de là que viennent les légendes, puis tous les mouvements, puis les histoires, puis les gourous, puis les médias. Moi, je peux simplement vous parler. Je peux pas changer votre vie. Votre vie, elle va se changer par vous-même. Je vous aide à comprendre le changement. Je remarque qu'il y a des gens, il y a des gens, parmi vous, de très, très grande sensibilité. Leur grande sensibilité, c'est astral. Leur grande sensibilité, c'est la marque de leur réceptivité astrale. Et ces gens-là qui ont cette très grande sensibilité-là, il est temps qu'ils commencent à se couper de ce qui est astral et qui vient vers eux. Parce que là, vous allez vous faire charrier. Ils vont vous dire tout ça à faire. Bernard Montréal, c'est ci, Bernard Montréal, c'est ça. Ben, vous dire n'importe quoi. Oubliez pas qu'il y a une très subtile différence entre la forme et l'intelligence de la forme. Grande différence. Inouïe, la différence. Entre la forme et l'intelligence de la forme. Quand on est dans l'intelligence de la forme, on comprend le mouvement de l'esprit à travers la forme. Donc, on n'est pas attaché à la forme. Mais quand on est en dehors de ça, on est attaché à la forme et on ne vit que de la forme. Donc, on se nourrit d'émotivité. Et on garde cette forme-là, on garde cette forme-là. It's a tricky world. Je vais vous dire une chose. On peut pas reculer l'événementiel dans la vie de l'homme. Il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui sont hypersensibles, il y a des gens qui sont suprasensibles. Il y a des gens qui sont sensibles, mais mollo. Et les gens qui souffrent le plus sont les grands sensibles, pas ceux qui sont mollo. Mais ils souffrent de quoi? Ils souffrent d'une trop grande astralité. Que vous soyez sensible, c'est normal, mais que vous soyez trop sensible, c'est plus bon. Puis si vous êtes sensible, à ce moment-là, c'est important pour vous autres d'être suffisamment conscient des pièges qui nous sont imposés parce qu'on ne comprend pas encore ce qui se passe. Puis ensuite, vous vous demandez, les gens sensibles, pourquoi vous avez des peurs puis des craintes de toutes sortes. C'est pour ça. Trop grande sensibilité. Et une trop grande sensibilité, c'est un débalancement du corps astral. C'est pas un atout, une grande sensibilité. C'est un débalancement du corps astral. Moi, j'en ai une sensibilité, mais elle me charrie pas ma sensibilité, parce qu'elle est contrôlée, l'astral est contrôlé par mon intelligence. C'est l'intelligence qui manœuvre, pas l'astral, pas le corps ou la conscience astrale. Alors, une trop grande sensibilité, c'est pas un atout pour l'homme. C'est le produit du débalancement du corps astral, et aujourd'hui, dans le monde, à cause de l'intérêt dans l'ésotérisme, puis l'intérêt dans les sciences un peu marginales, puis la recherche chez l'homme du ESP, puis du PPS, puis tout ça, tout le monde, là, commence à se sensibiliser astralement, et quand vient le temps de recevoir, là, à ce moment-là, il capote. Ça fait quoi faire avec ça? Un qui vient de me voir et il me dit, t'es-tu à la réincarnation de Saint-Jean-Baptiste? Je m'en crisse comme dans l'an 40 de Saint-Jean-Baptiste. Ça, c'est un qu'un. Pourquoi? Ils font des associations. Patron de la province de Québec. T'sais, ça n'arrête pas la folie. Mais ça, c'est le bon côté de la force. Imagine-toi s'ils se font dire que je suis l'antéchrist. Fait que ça les aide pas dans leur digestion. On comprend pas que tant qu'on n'est pas dans notre intelligence, on est affecté par l'astral, surtout si on est sensible. Si on est moins sensible, puis qu'on est plus mental, dans le sens qu'on se sert plus de notre mental, il y a un plus grand équilibre entre notre mental inférieur et notre corps astral, à ce moment-là, on évolue, mais mollo, calme. On vit pas des soubresauts puis des changements atroces intérieurs. Pis souvent, on l'apprécie pas. Moi, je connais des gens qui évoluent, là, sont bien équilibrés mentalement puis émotivement. Puis, ils voient toujours l'autre gars à côté qui capote puis qui sort de son corps, qui est accroché au clou sur le mur, puis voudrait être comme lui. Ça me fait mourir. On dirait que les gens sont pas capables d'accepter d'être normal quand ils se conscientisent. Ils devraient tout être anormal. Quand vous serez de même, vous verrez que c'est pas un cadeau. Alors, quand je vous dis que la peur qui vient de l'esprit n'est jamais abusive, elle teste. Le test étant le produit de la confrontation ou de la pénétration d'une énergie de très haute puissance dans une autre énergie de plus faible puissance, ce qui crée des chocs sur le plan astral, ce qui crée des chocs au niveau du mental, au niveau du corps émotionnel, au niveau de l'imagination, ainsi de suite. Mais, si vous réalisez ça, si vous saisissez ça, vous saisirez déjà la fin de la peur. Et petit à petit, la peur s'estompera, puis éventuellement, il n'y aura plus. Si vous ne saisissez pas ça, si vous ne réalisez pas l'élément de test dans toute communication avec vous, à ce moment-là, vous développerez des craintes et vous prendrez de la vérité. Et à ce moment-là, ben, vous vous ferez embobiner. Jusqu'à temps que vous compreniez que c'est pas, qu'il n'y a pas d'intelligence dans l'astral. Il y a des intelligences dans l'astral, mais il n'y a pas d'intelligence dans l'astral. L'intelligence n'est jamais dans l'astral. L'intelligence ne peut pas être dans l'astral. C'est impossible qu'il y ait de l'intelligence dans l'astral. Dans l'astral, il n'y a que des intelligences expérimentales, évolutives, involutives, qui sont pas plus avancées que des hommes sur la Terre. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de corps physique. Fait qu'il n'y en a pas d'intelligence dans l'astral. L'intelligence est un principe universel d'énergie qui passe à travers l'esprit de l'homme et qui lui donne sa clarté. C'est une force de vie qui nourrit l'homme. Si vous avez des communications avec l'astral, ce n'est pas de l'intelligence, ce sont des intelligences qui communiquent avec vous. Checkez bien gaffe. Parce que là, selon ces intelligences, selon avec qui vous êtes en communication, vous aurez des craintes. Autrement dit, vous serez troublé ou vous serez pacifié. Mais d'un côté ou de l'autre, vous serez dans la merde. Un côté ou de l'autre. Parce que si vous dites que je suis Jean-Baptiste, ça ne va rien changer dans votre vie, ça. Ça va vous attacher à une forme. Si vous dites que je suis l'antéchrist, ça ne va rien changer à votre vie non plus. Ça va vous accrocher à une autre forme. Vous allez vouloir vous en débarrasser bien vite. Ça ne sera pas de la forme que vous allez vouloir vous débarrasser. Ça va être de moi. Puis je ne vous blâmerai pas. Mais ça va être de votre faute. Pas de la mienne. Ça va être votre condition, vous. Alors, vous, l'homme est constamment testé parce que quand l'homme est dans son intelligence et qu'il reçoit de l'information qui est correcte, qui vise à l'éclairer, automatiquement, il change de vibration. Moi, je le sais, je reçois de l'information, je vis dans cette énergie-là, et quand je reçois de l'information qui vise à m'éclairer, j'agis, parce que l'information sert à agir. Mais aussitôt que l'information n'est pas correcte, c'est pour tester ma résistance à l'information. Tout le temps pour tester ma résistance. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je teste toujours ma résistance, ça teste toujours ma résistance, tout le temps. Faut que l'homme lui-même sache si l'information, elle est correcte ou si l'information est simplement une forme temporaire pour canaliser de l'énergie, au lieu de prendre de l'information pour du cash. Si vous comprenez pas ça, vous allez vous faire prendre pendant des années de temps. C'est l'esprit qui dirige l'évolution de la future humanité, ce n'est pas l'astral. Et c'est l'esprit qui se servira des formes pour détruire l'astral. Alors, notre position, nous autres, les hommes, sur le plan matériel, c'est de comprendre les lois de la descente de l'énergie à travers l'astral et ne pas être affecté par l'information qui nous vient au cerveau. Sans ça, on peut subir, comme je vous dis, des idées troublantes qui créent la peur ou la crainte. Ou être pacifié. Pourquoi? Pour nous spiritualiser et pour nous maintenir dans l'illusion spirituel de l'affaire. Les intelligences qui sont dans l'astral ne mentent pas à l'homme. Écoutez bien ça, la subtilité. Les intelligences dans l'astral ne mentent pas à l'homme. Les intelligences dans l'astral se jouent de l'homme par le mensonge ou par la vérité. Tandis que l'esprit ment à l'homme pour détruire la forme à laquelle il est attaché, pour se libérer de l'astral, pour que demain il ait en lui le pouvoir de cette intelligence. Je le répète, les intelligences dans l'astral ne mentent pas à l'homme, ils déjouent l'homme, ils se jouent de l'homme en se servant soit d'une vérité ou d'un mensonge. Ça fait partie des lois de leur plan. Tandis que l'esprit va mentir à l'homme pour détruire la forme de sa conscience astrale, pour développer, l'amener à développer le discernement, pour que l'homme un jour puisse savoir instantanément, vibratoirement, la différence entre le réel et la formulation d'une forme qui devient soit mensongère ou véritable. C'est une différence fondamentale. On aurait tendance, hein, nous autres, à penser que l'esprit ment pas, puis que l'esprit ment pas, puis que l'astral ment, mais c'est le contraire qui se passe. Mettez ça en votre pipe. Parce qu'aussitôt que l'homme a le contact avec l'esprit, il est dans le pouvoir de l'intelligence, fait que l'esprit est obligé de lui mentir pour le déconditionner astralement, pour qu'il n'y ait plus de réflexion à cause du pouvoir de réception. Pour qu'éventuellement l'ego soit totalement libre, qu'il n'y ait plus de réflexion en lui pour que l'ego puisse canaliser l'information qui vient de l'esprit. Sans ça, le pouvoir serait assujetti à l'ego. L'esprit ne permet pas ça. Donc, l'esprit mentira à l'ego d'une façon ou d'une autre. Mais l'esprit ne ment pas comme on pense qu'il ment. L'esprit ment toujours avec intelligence. L'esprit ment toujours avec intelligence et il y a toujours raison dans son mensonge. Autrement dit, l'esprit ne ment pas pour abuser de l'homme. L'esprit ment pour détruire l'astralité chez l'homme en se servant d'une forme qui devient pour l'homme un mensonge. Parce que l'homme voit ce qu'il reçoit comme étant soit véritable ou mensonger. Il ne voit pas le travail, l'intention de l'esprit derrière la forme qui est mensongère ou véritable. Une fois que l'homme est conscientisé, que l'homme sait que l'homme est suffisamment dans son intelligence, il ne peut plus se faire mentir par l'esprit. Quand est-ce que ça arrive, ça? Ça arrive quand l'homme n'est plus intéressé à la vérité, qui est simplement vibratoire. Alors, tant que vous serez intéressé à la vérité, vous vous soumettrez à des conditions de mensonges. Des mensonges d'une sorte venant de l'astral et des mensonges d'une sorte qui sont des tests venant de l'esprit. Fait que tant que vous serez intéressé à la vérité, vous serez pogné à être assujetti à un mensonge astral qui est de l'abus ou à un mensonge qui vient de l'intelligence mais qui fait partie des tests contre votre astralité et votre attachement à la forme pour que vous développiez le discernement. C'est comme ça que ça marche. La conscience supérieure de l'homme, c'est une conscience vibratoire. Ce n'est pas une conscience psychologique. Alors, si vous recevez de l'information qui donne à votre conscience une sorte d'allure psychologique, à ce moment-là, vous allez faire fausse route si vous prenez dedans. Parce qu'elle va colorer votre psychologie. Si je suis Jean-Baptiste, vous allez être content. Si je suis l'autre, vous ne serez pas content. Ça va colorer votre psychologie. Ça fera partie de votre expérience. Il y a des gens qui me disent, il y a des entités astrales qui viennent me voir. Je couche dans mon lit, je promène dans la maison, il arrête la radio, rouvre la télévision. Mais s'il y a du monde de l'astral qui vient chez vous et qui sont capables de faire ça, c'est parce que vous avez du chemin à faire pour transmettre votre corps astral. Parce qu'il n'est pas supposé venir personne chez vous. Autre que des êtres qui sont dans les terres. Puis laissez-moi vous dire que l'homme n'est pas prêt à son corps. Fait que si vous recevez des visites astrales, c'est parce que vous êtes trop astral. Si vous en recevez pas, ennuyez-vous pas. Et ensuite, ça se demande pourquoi est-ce qu'ils ont peur dans la nuit. Je comprends. Alors, si, là, si vous me demandez, mais quand, comment est-ce qu'on arrête ça, ces affaires-là? Ces visites-là. Vous arrêtez ça en arrêtant des entretenir dans votre esprit, dans votre intelligence, dans vos communications avec eux autres. Il y en a, c'est des vraies liaisons avec le bel téléphone. Ils aiment ça. Si vous leur parlez assez, ils vont descendre, ils vont descendre, ils vont descendre. Éventuellement, ils descendent. Ils sont rendus dans votre cuisine. Moi, j'ai dit à ma mère, mec, tu meurs, viens pas m'achaler. Ben, tu voyons. On parle pas de mère comme ça. C'est ça qu'on m'a répondu. J'ai dit, mec, tu meurs, viens pas m'achaler. Pourtant, chez vous. D'ailleurs, m'a parlé, mec, tu meurs. Lève dans la nuit, t'as qu'à faire la même au bout du lit. Il y en a qui aiment ça. Le mail, ils ont aimé le mail, leur paye, le petit frais. Autant la vie sur le plan matériel doit être rigoureuse dans l'esprit, autant la vie sur les autres plans doit être rigoureusement orientée pour ces êtres qui ne savent pas ce qui se passe par l'homme qui est conscient. Alors, quand je vous dis que la peur, c'est un test. C'est toujours bon. La crainte, c'est de l'abus astral. Donc, si vous êtes capable de vous centrer sur ça, comprendre ça quand ça se passe, vous vivrez objectivement la peur, vous ne vous ferez pas prendre inutilement dans des craintes, le mental supérieur se développera, l'astral diminuera d'intensité, de densité, affectera moins votre intelligence, puis un jour, ben, vous serez dans votre peau. Puis un autre jour, ben, vous passez à travers. Le monde de l'homme, le monde mental de l'homme, est totalement à l'envers. L'homme vit sa vie totalement à l'envers. C'est pour ça que lorsque l'homme est en communication avec de l'intelligence, automatiquement, sa vie est perturbée parce que l'envers que lui croit être l'endroit doit être ramené à l'endroit. Alors, notre façon de voir les choses, notre façon de prendre conscience des choses, notre façon d'interpréter les choses, tout ce qui est de l'évolution chez l'homme est à l'envers. C'est ça l'évolution, c'est un monde à l'envers. Puis nous autres, on prend ça tout pour aller en droite. Puis là, la nature des choses, la nature de la vie mentale n'est pas mesurable. Autrement dit, l'endroit ou l'envers n'est pas mesurable par l'ego. L'ego ne peut pas voir qu'est-ce que c'est de l'envers et l'endroit de la vie tant qu'il n'est pas dans l'intelligence. Parce que c'est vibratoire. C'est seulement vibratoirement que tu peux savoir si quelque chose est en envers ou si quelque chose est en endroit. Cinq vibratoirement, il n'y a pas d'autre façon. C'est impossible. Ça fait 10 ans que je parle, puis je détruis des femmes, puis je détruis des femmes, puis je détruis des femmes, puis je détruis. Ça fait 10 ans. Autrement dit, ça fait 10 ans que j'essaie de rendre à l'endroit ce qui était à l'envers et qu'on a considéré comme étant à l'endroit pendant des siècles. Puis j'ai même pas commencé à parler. Fait qu'imaginez-vous que tout ce qui est dans la conscience humaine, tout ce qui fait partie de l'astral et qui affecte l'intelligence de l'homme, c'est à l'envers. Ça pue de fin et ça pue de bout. Alors, on vit de ça, nous autres. On vit comme ça, puis on pense qu'on est à l'endroit. Demandez-vous pas pourquoi est-ce qu'on subit des chocs quand on réalise ou qu'on commence à réaliser qu'effectivement, on est à l'envers et qu'on commence à prendre conscience de l'endroit. Mais c'est pas une situation qu'on peut mesurer psychologiquement. C'est une situation qu'on sait vibratoirement quand on l'a en vibration. Les gens qui l'ont en vibration, ils savent qu'ils l'ont la vibration. Quand ils savent que c'est de même, c'est de même, c'est de même, c'est de même, tu ne peux pas astraliser ce qu'ils disent. C'est impossible. Quel que soit ton niveau d'évolution, quand une personne est dans son intelligence et qui me dit c'est de même, je sais que c'est de même, puis il n'y a rien que je peux faire pour changer ça, c'est de même. C'est pas moi qui râle. C'est l'intelligence qui run. C'est son intelligence, puis mon intelligence doit s'ajuster à la sienne, pas la sienne à la mienne. Mais quand on est à l'envers, là, c'est facile de dire, moi, c'est pas de même, c'est de même. Il y en a du monde parmi vous qui sont venus me voir et qui m'ont dit c'est de même, c'est de même, c'est de même. Je suis obligé de fermer ma gueule et de dire ouais, c'est de même, c'est de même, c'est de même. Fait que c'est pas une prérogative individuelle, l'intelligence. Quand ça passe chez l'homme, l'homme est obligé de la vivre, de la reconnaître, à moins qu'il soit astralisé dans son intelligence. Je vais dépersonnaliser un petit peu mon langage pour faire passer autre chose. Vous, les hommes, tous les hommes de votre globe, et surtout ceux qui sont plus près de nous, doivent reconnaître dans le temps que nous sommes parfaits. Ceci veut dire que nous connaissons tous les hommes instantanément dans toute leur composition. Nous connaissons les hommes dans leur composition mentale, dans leur composition émotive astrale, dans leur composition vitale et physique. Et comme nous devons, avec le temps, descendre vers votre planète, nous sommes obligés, afin de changer la structure de vos principes, afin de vous rendre plus parfait dans la forme, dévier constamment des lois qui ont servi à l'évolution de votre intelligence pour le pouvoir d'expression dans la matérialité. Donc, nous sommes obligés de vous mentir. Nous sommes obligés de vous mentir parce que nous sommes obligés de défaire ce qui a été fait. Nous sommes obligés de vous mentir pour reconstruire dans votre mental des couches d'énergie qui ne peuvent être existantes que par le choc créé par notre mensonge contre votre recherche de la vérité. Et au cours des années et des générations et des siècles, nous continuerons à détruire l'astral dans la conscience humaine afin de préparer l'humanité à la compréhension des mystères de l'intelligence. L'intelligence n'est pas ce que vous croyez. L'intelligence n'est pas une forme. Et l'intelligence n'est pas l'expression et l'agencement mécanique de la forme dans le mental. L'intelligence est le produit d'une vibration, d'une énergie qui fait vibrer votre mental et qui se sert de votre astralité pour donner à votre intelligence subjective suffisamment de support symbolique pour que vous puissiez avoir une idée de la valeur de la forme à quelque échelle qu'elle soit utilisée dans votre vie, que ce soit sur le plan de la science, que ce soit sur le plan de la philosophie ou que ce soit sur le plan de votre psychologie planétaire. L'organisation future de l'homme, l'organisation future de l'humanité défie l'intelligence humaine. Dans les cas où il est donné à l'homme de percevoir sensiblement l'avenir de l'humanité, comme dans les expressions de littérature de science-fiction ou dans l'expression des films, ces apparences ne sont que des apparences fournies à l'homme par l'astral, par le monde de la forme, pour soutenir un très grand appétit chez lui qui le mène à vouloir améliorer la condition de sa vie sur la planète. Donc, l'avenir de l'homme, tel qu'il est vécu, tel qu'il est vu, tel qu'il est perçu par les moyens symboliques de votre civilisation, est un avenir qui n'est pas de la même sorte, de la même qualité, de la même nature et de la même essence que celui que connaîtra l'homme. C'est pourquoi nous sommes obligés, lorsque nous établissions contact énergétique avec les cerveaux humains, de faire comprendre à l'homme, par le truchement de la façon dont il voit les choses, que toute communication avec lui n'est pas faite dans le but de l'instruire, mais dans le but de détruire ce qui a servi dans le passé à sa compréhension philosophique. L'homme n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit pour être créatif et pour créer une civilisation neuve. L'homme a besoin de vivre en étroite harmonie de fusion avec nous afin que la lumière de son esprit soit suffisamment haute en vibration pour pouvoir créer instantanément en se servant des énergies infinies qui existent dans les éthers parallèles et pour pouvoir construire selon un mode de création qui convient à la parfaite relation entre nous et eux. L'organisation matérielle des futures civilisations de votre planète sera en fonction du rapport qui existe entre votre esprit et notre esprit. Nous sommes esprit, vous êtes esprit. Mais notre esprit est plus puissant que le vôtre parce que notre esprit n'a jamais été aliéné de la lumière. Votre esprit est inférieur au nôtre parce que votre esprit a été aliéné par la lumière, des sombres plans, et ce n'est qu'avec les siècles que votre esprit deviendra aussi puissant que le nôtre, et lorsque votre esprit sera aussi puissant que le nôtre, vous ferez partie de la hiérarchie, vous serez considéré dans les galaxies ce que nous sommes aujourd'hui par le biais des instructions théologiques de votre civilisation, considéré comme étant des archétypes de l'homme, c'est-à-dire des archanges. Donc, pour que l'homme comprenne la nature de la vie et la nature de l'intelligence, il doit être soumis à un bombardement incessant, c'est-à-dire il doit être soumis à une confrontation entre la forme qu'il épouse émotivement et le besoin que nous avons de pénétrer en lui afin de perturber l'équilibre de son émotion et de son intellect qui maintient la forme en vie et qui l'assujettit planétairement à des conditions d'intelligence et à des conditions de savoir qui ne font pas partie de la réalité ultime de l'homme parce que ces réalités sont simplement des conventions psychologiques établies sur le plan matériel pour que l'homme puisse vivre sa nature animale en paix. Donc, nous avons l'option soit de détruire complètement la planète de l'homme afin de reconstruire des prototypes nouveaux dans d'autres espaces ou de permettre que l'homme se reconstruise avec notre aide pourvu qu'il soit capable d'absorber l'énergie qui vient de nous et transmuter l'astralité qui risque de rendre sa planète totalement inviable. Nous n'avons pas de relation avec l'humanité autre que par le choix que nous faisons des individus sur la planète qui déjà ont suffisamment évolué au cours du passé pour pouvoir absorber notre énergie. La seule valeur qui existe entre l'homme et la hiérarchie est une valeur de mécanisation. Nous sommes capables de réaliser, de comprendre et de recevoir et de communiquer avec les hommes sur la Terre qui peuvent nous recevoir. Et ce sont ces hommes qui seront choisis dans les années à venir et au cours des siècles, et ce sont ces hommes qui feront partie de la nouvelle race et qui créeront sur la planète un champ de force qui pourra établir une liaison entre l'homme de la Terre et l'homme venant des étoiles. Nous ne faisons pas partie, comme vous pouvez le croire, des hommes des étoiles, mais nous faisons partie des hommes qui ont, depuis très très longtemps, compris les lois de la matière et les lois de l'esprit, et c'est pourquoi nous pouvons aujourd'hui communiquer à travers la galaxie et établir des réseaux de transport et des réseaux d'information pour que les hommes de la galaxie puissent un jour se rencontrer et travailler ensemble. Mais les hommes de la Terre sont extrêmement primitifs, et vous devez commencer à comprendre que ce que nous transportons par la voie du mental de Bernard de Montréal fait partie de la collusion entre nous et les forces de l'astral, et ceux qui pourront au cours des années réaliser ceci seront automatiquement élevés dans les atmosphères de l'éther lorsque nous viendrons, à la fin du cycle, changer la dimension de la conscience planétaire et élever votre planète à un statut universel. Remarquez que le phénomène de la peur, tel qu'il vous est expliqué, est un phénomène fondamental chez l'homme. Et il doit être très bien compris. Et ceux qui, au cours des années et des siècles, auront pour raison sociale et vitale d'expliquer à l'humanité la condition psychologique des mécanismes internes de l'homme, devront comprendre que la peur est créée par nous et non par l'astral, que les craintes sont le produit de l'astral et que l'astral ne peut pas créer la peur dans l'homme. Et lorsque l'homme aura compris que l'astral ne peut pas créer la peur en lui, s'il vit la peur ou la crainte, c'est parce qu'il aura vécu, il aura accumulé ou maintenu trop d'illusions de la forme. Je retourne la parole. Alors, pour nous autres, c'est bien important de réaliser qu'est-ce que c'est de la peur. Parce que, dans les années qui viennent, l'homme devra pivoter, c'est-à-dire que l'homme devra tomber complètement dans un autre état d'esprit. Et pour que l'homme tombe dans cet état d'esprit, il ne faut pas qu'il vive la peur inconsciemment. Il faut qu'il vive la peur consciemment. Autrement dit, il ne faut pas qu'il ait peur de la peur. La peur n'étant pas une condition d'infériorisation, mais étant une condition d'élévation. La crainte étant une condition d'infériorisation chez l'homme. La crainte viole notre intelligence. Toute crainte viole notre intelligence. Et quand je dis que toute crainte viole notre intelligence, je dis qu'un homme ne peut pas devenir intelligent s'il a de la crainte. Il peut développer un intellect, mais il ne peut pas devenir intelligent vibratoirement. Autrement dit, il ne peut pas vivre et être soutenu par ses forces. Quand on a un certain âge, quand on est jeune, on peut facilement contempler d'appartenir dans un temps ou de vivre ou de connaître dans un temps quelconque plus ou moins éloigné des expériences humaines à une très haute échelle d'évolution, la fin du cycle, ainsi de suite. Quand on a un certain âge, c'est plus difficile. Parce qu'on dit 50 ans, 60 ans, 70 ans, combien d'années me reste. Et automatiquement, l'homme va chercher à camoufler la crainte de ne pas vivre l'expérience. Et ça, c'est une illusion parce que quand le changement de cycle se fera sur la Terre, quand l'homme aura accès à l'éther, l'homme pourra aller dans le monde de la mort et chercher ses amis et les amener dans le monde de la lumière. Et ça, c'est une des grandes, révélations à l'homme. C'est un des grands supports pour l'homme. Et c'est une des grandes joies de l'homme de savoir ceci. Autrement dit, c'est sans importance que l'homme s'inquiète des quelques années qui lui restent et se trouble de pouvoir ou ne pas pouvoir vivre le passage de la matière électrique. Les hommes qui, pour des raisons de plan de vie, ont un certain âge et qui ne peuvent pas, pour des raisons physiques, attendre la fin du cycle, ces hommes seront repêchés dans l'astral, où ils se trouveront après la mort matérielle. Et cette connaissance-là, c'est la première fois qu'elle est véhiculée en public, et elle est essentielle, parce que l'homme ou les hommes qui évoluent, qui changent dans le monde, qui n'ont pas accès au même rythme d'instruction, mais qui, à cause de leur relation avec un début d'intelligentisation, ces hommes seront repêchés dans l'astral pour être ramenés à l'éthérique. Et je vais vous dire une chose, c'est la première fois que je le dis et c'est la première fois que je le sais. Et je suis content de le savoir. L'homme n'a pas d'idée de ce que ça veut dire l'éther à cause de nos sens. L'homme ne réalise pas que l'éther, c'est plus réel que la matière. Donc, il est difficile à l'homme de s'imaginer qu'il puisse être repêché d'un monde et ramené dans un autre. La différence entre l'astral et l'éthérique, c'est une différence de vibration. Donc, les hommes qui seront dans l'éthérique, qui auront accès à l'éthérique, ayant un taux vibratoire supérieur à l'astral, pourront régir dans l'astral. Oubliez jamais que l'éther est un lieu, que l'astral est simplement un espace libre. L'éther est un lieu. Et l'astral est un espace libre. Le monde de la mort, c'est un espace libre. Ils peuvent repêcher dans cet espace libre les entités qu'ils veulent, ceux qui sont dans l'éthérique. Parce que la présence de l'éther, la présence d'un éther planétaire, ne relève plus des lois de la mort, mais relève des lois de la vie. Et la vie a toujours le pouvoir sur la mort lorsqu'elle est réelle. Ce n'est que sur le plan matériel que la mort a le pouvoir sur la vie parce qu'elle n'est pas réelle. Alors, pour les gens qui avancent en âge, pour les gens demain qui entendront mes paroles dans le temps, c'est un support de savoir ceci. Que la vie éthérique a prédominance sur l'astral. Et un jour, l'homme découvrira aussi que la vie éthérique a la prédominance sur la matière. C'est très bon pour l'homme de savoir ceci. Très bon. C'est même très bon. Les forces, les intelligences, qui travaille avec l'homme à travers son esprit sont très grandes. C'est pourquoi le rapport entre l'homme et l'intelligence est très difficile. C'est pourquoi les jeux sont très grands. Et c'est pourquoi l'homme doit être très fort. C'est-à-dire qu'il doit être capable de vivre sa peur objectivement, et ne pas se laisser diluer dans son intelligence par des craintes. L'homme ne devrait jamais avoir de crainte de la mort. S'il est amené au lit de la mort avant le temps, il n'a qu'à s'endormir dans cette expérience pour être ramené plus tard dans l'éthérique comme il se doit. Mais il y a une condition à ceci. C'est que déjà l'homme ait pris conscience de son esprit. Si l'homme n'a pas pris conscience de son esprit, et remarquez ceci, il n'aura pas dans l'astral le pouvoir de reconnaître ceux qui viendront le chercher. Alors, quand je vous dis que notre vie, elle est difficile, la transmutation, elle est difficile, elle est pénible, et un jour, elle ne l'est plus, on est bien dans notre peau, le choix est toujours avec l'homme. L'esprit ne peut pas forcer sa présence sur l'homme. Ce sont des lois. Alors, si l'homme a la chance, l'occasion, et ça fait déjà partie de sa destinée de connaître, de savoir certaines choses, et qu'il se bloque, il diminue à la mort la chance de retrouver contact avec ceux qui pourront le ramener à l'éthérique. Parce qu'aussitôt que l'homme entre dans son intelligence, qu'il prend conscience de son esprit, il prend part un peu à son immortalité, mais il ne peut pas la vivre encore. Et autant au cours de l'évolution, nous avons été assujettis à la domination de nos idées, autant dans l'évolution, nous serons rendus totalement neutres, émotivement et intellectuellement, à ce que nous savons éternellement, c'est-à-dire en dehors de l'espace et du temps, c'est-à-dire dans notre esprit, de notre intelligence. Il n'y a rien dans la vie autre qui soit important pour l'homme que son intelligence. Le reste, ça fait partie des lois du monde matériel. Le reste, c'est pour être utilisé. Mais ce n'est pas le corps de désir chez l'homme qui prend de l'importance lorsqu'il entre dans son intelligence. Et le jeu, il est là. C'est pour ça que la pénétration de l'esprit dans l'astral détruit le corps de désir, réorganise l'astral et rend l'homme conscient de ce qu'il fait, de ce qu'il est, d'où il va. Et il va, sans crainte. Et s'il doit vivre la peur, il la vit. Elle est nécessaire, elle est bonne, elle est grande et elle est belle. Parce qu'il se fait un petit peu tard, il y a des gens qui travaillent, je pourrais continuer à parler, mais je pense qu'à soir, je vous ai donné des points de référence intéressants. C'est très utile pour nous autres, les hommes, de savoir ce que nous devons savoir pour ne plus être des hommes. Parce qu'un homme commence à réaliser qu'il n'est plus un homme quand il n'a plus d'intelligence karmique. Et quand un homme commence à réaliser qu'il n'est plus un homme, il est bien. Parce que quand un homme commence à réaliser qu'il n'est plus un homme, il n'est plus alourdi par le fardeau de l'existence. Il est bien. Mais ça, c'est ça, il faut être dans la vibration pour le savoir, pour le comprendre, pour le vivre. Moi, je vous le dis. Parce que c'est intéressant qu'on le dise. Mais il y aura des moments dans votre vie, dans les années qui viendront, où vous sentirez temporairement, pour des très très courtes périodes, que vous n'êtes pas des hommes, que vous êtes d'autres choses. Mais ça, c'est parce qu'il y aura une suspension temporaire à partir du plan de votre esprit, de l'intelligence karmique en vous. Donc, vous ne vivrez plus la réflexion pour une petite fraction de seconde. Jusqu'au jour où vous ne vivez plus la réflexion permanemment. Apprenez à utiliser votre intelligence libre. Apprenez à regarder en vous aussi loin que vous pouvez aller. Et vous avez le droit de regarder aussi loin que vous pouvez aller. Et votre droit est proportionnel à votre capacité de vouloir regarder aussi loin que vous pouvez regarder. Vous seriez surpris de voir jusqu'où vous pouvez regarder. Mais comme je vous ai dit, vous mesurez votre intelligence libre en parlant. Ou en étant dans un état d'attention vis-à-vis vous-même, dans le mental supérieur. Là, vous sentirez une vibration qui vous indique quelque chose de concret, que vous pourrez reparler dans une forme quand vous serez en conversation. Mais si vous recevez une vibration dans le mental au niveau de la communication entre votre ego et votre esprit, vous allez être obligé de le dire. Tu ne peux pas garder dans ton mental quelque chose quand c'est passé. Il faut que tu le manifestes, il faut que tu le dises quelque part dans le temps. C'est pour ça que vous allez avoir des petits sursauts d'enthousiasme, comme si vous avez découvert quelque chose. Puis un jour, ben, vous serez bien calme au pas. Ça sera une seconde nature. Essayez de comprendre que moi, je représente un prototype d'homme, un nouveau modèle d'homme. Et que l'homme qui vient dans les siècles à venir sera construit de la même façon. Il sera fait de la même façon et fonctionnera de la même façon. Avec des allures différentes, des colorations différentes, mais de la même façon, le principe est le même. Parce que les lois d'énergie sont des lois universelles. Ce sont les lois de la forme qui sont des lois planétaires. Mais une fois que l'homme n'est plus planétaire, il ne voit plus de relativité entre lui et les autres hommes. Donc, c'est là que l'homme comprendra qu'est-ce que c'est la conscience universelle ou ce que les gens appellent la conscience cosmique ou ce que les gens appellent ce qu'ils ont. L'intelligence libre. Et là, les hommes pourront faire ensemble de grandes choses selon le pouvoir de cette intelligence-là, exécutée. Parce que l'intelligence doit s'industrialiser dans le monde. Elle doit devenir scientifique. Quand l'intelligence deviendra scientifique, il y aura des grandes choses. Ça sera une très, très belle civilisation sur la Terre. Mais pour nous autres, les hommes, in the meantime, en tant qu'individus qui vont vers la conscientisation, vers la descente de cette énergie dans le mental, il faut qu'on apprenne à reconnaître l'importance de ne jamais succomber à l'intelligence karmique. Et une des grandes façons à l'intelligence karmique de se manifester chez soi, c'est de nous faire toujours douter de ce que l'on sait. Donc, de nous faire douter de ce que l'on fait. De ce que l'on est, c'est le produit de l'intensification de l'énergie de l'intelligence sur le corps mental. Et de ce que l'on est, quand on est conscient, plus on se conscientise, parce que plus on se conscientise, moins il y a de voile, moins il y a de réflexion, ce que l'on est sans importance. Et quand on n'est plus, on met plus d'importance dans ce que l'on est, on est tout ce que l'on peut être. Tant qu'on met d'importance dans ce que l'on est, on ne peut pas être ce qu'on peut être, parce qu'il y a déjà encore en nous de l'intelligence karmique, c'est-à-dire qu'il y a un désir chez l'ego de revenir à la source de son être-té, c'est-à-dire à la source qui fait de lui un être sentient, sensoriel. C'est le fait que l'homme veut ou que l'ego veut demeurer un être sensoriel qui l'empêche d'être ce qu'il est. Parce que tu ne peux pas être ce que tu es et être dans ta conscience, autrement dit, dans ton intelligence karmique, un être sensoriel. Autrement dit, tu ne peux pas vivre intelligemment au niveau de ton intelligence ou au niveau de ta conscience en fonction de la sensorialité de ton être et être à la fois dans l'intelligence libre. Parce que ce sont deux mondes différents. Un appartient à l'éther et un appartient à l'astral. Donc, dans la configuration planétaire de l'homme, lorsqu'il vit dans la matière, s'il est lié à l'astral, il devra servir de ses sens pour s'auto-gérer, pour s'auto-illuminer, pour s'auto-interroger, pour se donner une valeur quelconque à l'intérieur de l'espace-temps. Tandis que lorsque l'homme est dans l'éther et qu'il se sert de son corps matériel simplement pour transcrire en matérialité ce qu'il est en esprit, il n'y a pas besoin, cet homme-là, de se raconter quoi que ce soit vis-à-vis lui-même. Il n'y a pas besoin de savoir qui il est, parce que ce qu'il est, et lumière, et ce qui est lumière n'est pas assujetti aux lois de la forme, donc n'est pas assujetti aux lois de la connaissance de la forme, donc n'est pas assujetti aux lois de l'historique personnel, donc n'est pas assujetti aux lois de la réincarnation de la forme et au passé de l'incarnation de la forme, et ainsi de suite. L'homme ne s'intéresse plus à lui-même, il s'intéresse à créer seulement. Il est très important que l'homme commence à apprendre et à comprendre des choses qu'il n'a jamais appris et qu'il n'a jamais compris. Mais l'homme ne peut pas infiniment ou indéfiniment apprendre par la bouche d'autres hommes, À un certain moment, l'homme doit être capable d'apprendre par sa propre bouche, par sa propre parole, parce que l'homme doit lui-même éventuellement devenir radiométrique. Tant que l'homme ne pourra pas apprendre par sa propre parole, par sa propre bouche, je ne parle pas de par sa propre pensée, on n'apprend rien par la pensée. C'est impossible. Dans le passé de l'involution, l'homme apprenait par la pensée, il pensait. Et en pensant, il apprenait. Mais dans le fond, il n'apprenait rien. Il ne faisait que réinventer ce qui avait déjà été appris et il réorganisait ce qui avait déjà été organisé afin de développer une mémoire plus complexe du phénomène humain, du phénomène de l'être. Mais dans le cas de l'homme qui a une pensée radiométrique, le phénomène est différent. Au lieu d'apprendre dans sa tête, il apprend en parlant, il apprend à écrire, il apprend en extériorisant l'énergie. Et ça, c'est un phénomène qui est neuf sur la Terre, qui est nouveau sur la Terre, que les hommes comprendront, découvriront, vivront, vérifieront par eux-mêmes. Mais comme je dis, avant que l'homme passe de la civilisation au désert, à l'oasis, il devra vivre l'ennui mental, c'est-à-dire cette période qui est peut-être suffisamment longue, où il s'aperçoit qu'il n'a rien à foutre sur le plan matériel en fonction de sa créativité, parce qu'il n'y a pas de créativité en lui. Mais ce qu'il doit réaliser lorsqu'il sera dans cet ennui mental, c'est que le terrain, le désert, où il est essentiel pour que l'oasis ensuite se forme à l'intérieur de ce désert. Mais l'oasis ne peut pas se former dans la ville, il doit se former dans le désert. Mais le désert doit être là avant qu'elle fût, elle, dans son sein. C'est pourquoi l'homme devra vivre l'ennui mental. Lorsque l'homme commencera à être radiométrique dans sa pensée, il commencera à découvrir qu'il a énormément de connaissances. Et cette connaissance, selon chaque homme, servira à canaliser dans le monde énormément d'informations, et c'est cette information qui sera nouvellement canalisée dans le monde qui deviendra la fondation philosophique, scientifique, psychologique de la nouvelle race, et qui éventuellement se déversera par très grands flots dans les écoles, dans les universités, dans les centres d'éducation de sciences qui existent aujourd'hui et qui font partie de la cinquième sous-race ou de notre civilisation contemporaine. Mais pour que la pensée radiométrique puisse pénétrer dans le monde, il faut que les hommes eux-mêmes soient élevés à un taux de vibration suffisant pour qu'ils ne puissent plus à jamais douter de ce qu'ils savent. Et tant que l'homme aura du doute en lui de ce qu'il sait, il ne pourra pas être radiométrique parce que le doute fait partie de la pensée subjective, il ne fait pas partie de la pensée radiométrique. Donc le doute psychologique de l'homme, le doute qui fait partie de son expérience, qui est renforcé au cours de son expérience, est essentiel parce que l'homme doit souffrir dans le doute de sa pensée subjective pour en arriver à vivre un jour l'absolue certitude de sa pensée radiométrique. Parce que c'est dans la radiométrie de la pensée que l'absolu existe. Ce n'est pas dans la vérité ou dans la dualité de la pensée subjective. Si l'absolu existe dans la radiométrie de la pensée, ceci veut dire qu'un jour l'homme sera absolu dans sa pensée. Et lorsqu'il sera absolu dans sa pensée aura automatiquement une vibration très puissante sur la Terre. Mais tant que l'homme ne sera pas absolu dans sa pensée, que sa radiométrie ne sera pas établie, à ce moment-là, il n'aura aucun pouvoir sur la Terre. Il n'aura aucune puissance dans sa pensée, donc l'homme ne pourra rien faire pour changer le monde, pour réorganiser le monde, pour transformer le monde, parce qu'il n'y aura pas en lui le pouvoir de son esprit. Il n'y aura en lui que la capacité d'influence ou de conviction de sa pensée personnelle, selon son niveau d'éducation, selon la rhétorique ou selon la complexité de ses pensées sémantiquement organisées pour se greffer à un autre esprit qui est moins capable de bien comprendre à travers les mots. Donc, il y aura une illusion quelconque au niveau de l'information et de la transformation de l'information dans la société. Lorsque nous disons que la pensée est radiométrique, nous disons que l'homme n'a aucun droit à penser. N'avoir aucun droit à penser, ça veut dire n'avoir aucun droit sur la pensée. C'est-à-dire ne pas pouvoir penser ce que l'on veut, mais penser ce que l'on doit. Et c'est seulement lorsque l'homme peut penser ce qu'il doit, qu'il peut penser ce qu'il veut. Parce qu'à ce moment-là, son vouloir fait partie de sa volonté, et son doigt fait partie de son droit. Il a droit de la pensée, il a droit de penser ce qu'il veut. Il fait partie de la radiométrie de la pensée. Il ne fait pas partie de la pensée subjective de l'homme. Parce que l'homme pense ce qu'il veut, penser ce qu'il veut dire la direction qu'il veut dans le cosmos. Si l'homme veut regarder la direction de l'atome, si l'homme veut regarder la direction de la plante, s'il veut regarder la direction de l'écologie, s'il veut regarder la direction de la physique, de la chimie, de la biogénétique, s'il veut regarder dans telle ou telle direction, c'est son droit. Alors, si l'homme a le droit de regarder dans telle ou telle direction, il doit être capable d'avoir une pensée radiométrique pour pouvoir sortir du domaine infini de l'intelligence la matière dont il a besoin pour élucider, donner un contour à ce droit qui lui permet de descendre sur le plan matériel une certaine connaissance pour le bénéfice d'une nouvelle civilisation. Mais si l'homme n'a pas le droit de regarder dans telle ou dans telle direction, c'est qu'il n'a pas le pouvoir de le faire. S'il n'a pas le pouvoir de le faire, c'est que sa pensée n'est pas radiométrique, elle est simplement subjective. Alors, lorsque vous dites que vous ne savez pas, vous n'êtes pas capable de vous comprendre, vous n'êtes pas capable de comprendre telle situation, c'est parce que vous fonctionnez encore avec une pensée qui est subjective, autrement dit, qui est alourdie par vos émotions et votre intellect, autrement dit, qui est piégée par votre mémoire. Et dans la radiométrie de la pensée, il n'y a aucune mémoire. C'est le propre de la pensée subjective d'être mémorisable. C'est impropre à la pensée radiométrique d'être mémorisable. Pour deux grandes raisons. C'est que lorsqu'une pensée est mémorisée, elle est utilisée par d'autres êtres que vous-même. Lorsqu'une pensée est mémorisée, elle est utilisée par vous sur le plan humain et elle est utilisée par d'autres êtres dans l'astral. Donc, vous créez sur le plan humain ce qui se compose dans l'astral et éventuellement vous revivez sur le plan humain ce qui a été déjà déposé dans l'astral. Donc, il y a un cercle qui se forme et c'est ce qui crée les cycles de l'évolution. Mais lorsque la pensée est radiométrique, elle n'est pas mémorisable. Donc, l'homme n'a aucun pouvoir sur elle. Il n'est pas capable de la mémoriser et comme il n'est pas capable de la mémoriser, elle ne peut pas être utilisée dans le monde astral, dans le monde de la mémoire. Donc, elle ne peut pas être utilisée dans le monde de l'âme. Et comme elle ne peut pas être utilisée dans le monde de l'âme, éventuellement, cette pensée qui est totalement créative, qui est totalement énergétique, crée dans le monde de l'âme suffisamment de force pour que l'homme puisse constituer un monde à la hauteur de la pensée radiométrique au lieu de créer un monde à la grandeur de la mémoire de l'âme qui est encore active en lui à cause de sa pensée subjective. Mais pour que l'homme vive ce vide, pour que l'homme soit totalement désintoxiqué de la pensée subjective, il faut qu'il vive de grands ennuis mentaux. Et vivre d'ennuis mentaux, c'est ce qu'il y a de plus ennuyeux. Il y a une différence entre l'ennui mental et la diminution de l'activité astrale. Quand vous vous conscientisez, il y a une perte d'énergie astrale qui crée un ennui astral. La vie n'est pas autant le fun qu'avant, astralement parlant. Vous n'avez pas les mêmes goûts qu'avant, vous ne jouez pas au hockey aussi souvent qu'avant, vous n'allez pas au baseball aussi souvent qu'avant, ainsi de suite. Peut-être que vous ne faites pas l'amour aussi souvent qu'avant, il y a toutes sortes de choses que vous ne faites pas aussi souvent qu'avant. Dans le domaine de l'ennui mental, c'est la même chose avec cette différence. Qu'avant vous pensiez quand vous vouliez, maintenant, vous êtes plus capable. Vous pensez quand vous devez penser. Et même à l'intérieur de ceci, il y a une fine ligne de démarcation. C'est que vous ne pensez pas seulement quand vous voulez penser, mais la radiométrie, la pensée radiométrique énergise votre corps mental et vous devenez actif dans un certain temps, mais pas avant. Autrement dit, vous n'avez plus de pensée subjective pour allumer en vous une certaine astralité pour vous donner l'impression de faire ce que vous voulez. Vous faites ce que vous devez. Et la concordance entre cette action et votre pensée radiométrique est totale, donc vous n'êtes jamais vide, vous n'êtes jamais incapable de faire quoi que ce soit. Vous êtes soit en attente avant un mouvement, mais vous n'en souffrez plus. Mais avant que ce temps s'ajuste, vous en souffrirez. L'homme qui aura une pensée radiométrique paiera automatiquement le prix pour la vivre. C'est inévitable parce que ça fait partie de la transmutation. Je vais vous donner un exemple de l'effet dans vos vies de la pensée radiométrique qui est encore à votre insu. Regardez dans vos vies lorsque de temps à autre vous avez l'impression de savoir quelque chose. Vous avez simplement l'impression vibratoire de savoir quelque chose. Mais vous ne savez pas ce que vous savez. Ceci fait partie de la pensée radiométrique. Si vous vous désengagez ou si vous êtes amené au cours des années à ne vivre que de la vibration, de l'impression très très très très loin de savoir quelque chose, de savoir, à ce moment-là, cette vibration deviendra plus près de vous et éventuellement, vous serez près de la vibration. Donc, votre pensée sera rendue radiométrique dans l'instant donné. Vous saurez. Vous n'aurez plus à chercher, vous saurez. Mais aujourd'hui, la vibration est encore trop loin. Votre cerveau ne peut pas la prendre, l'absorber, cette énergie. Donc, elle demeure un peu éloignée de votre cerveau éthérique. Mais un jour, cette vibration s'imprimera dans votre cerveau éthérique et la connexion entre le physique et l'éthérique sera instantanée. Donc, vous saurez instantanément ce que vous avez à savoir. Donc, vous ne vivrez plus dans cette sorte d'attente autour de votre tête d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose que vous savez, mais que vous n'êtes pas capable d'amener à votre cerveau physique. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Ça devient fatigant d'avoir la pensée radiométrique ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, petit à petit, elle rapproche. Éventuellement, elle s'imprime sur le cerveau physique, matériel. Le monde de la pensée est un monde atomique. C'est-à-dire que le monde de la pensée radiométrique, je ne parle pas de la pensée astralisée, mais le monde de la pensée radiométrique est un monde atomique. C'est un monde totalement atomique, dans ce sens que c'est sur le plan mental de cette conscience atomique que se situe la réalité. Autrement dit, la réalité, elle est façonnée dans le cosmos au niveau de la conscience atomique du plan mental. La réalité dans le cosmos n'est pas façonnée sur le plan astral de la forme. Elle est façonnée sur le plan de la conscience atomique du mental. Et c'est pourquoi, lorsque l'homme aura accès par sa pensée radiométrique à ce plan mental, qui est un plan atomique, il aura accès à énormément de connaissances parce qu'il sera automatiquement lié au jeu, au mouvement de l'atome, qui est un mouvement infini, 7 fois infini, sur le plan de son mental. Donc, l'homme aura énormément d'espace pour travailler, il aura énormément de connaissances avec laquelle travailler, et il pourra être créatif infiniment. C'est bon pour l'homme, même si c'est difficile encore à comprendre, c'est bon que l'homme puisse être expliqué que la nature de son mental supérieur est une nature très, très éloignée de lui-même. Elle est éloignée de lui-même parce qu'elle est éloignée de sa conscience astrale, de sa conscience planétaire. Mais elle est très près de lui-même parce qu'elle fait aussi partie de sa conscience mentale. Et comme la conscience mentale de l'homme, c'est la conscience la plus élevée de l'homme, il est évident que s'il est dans cette conscience mentale, s'il a accès au mouvement atomique de cette conscience sur son plan mental, l'homme est très près de lui-même. Or, c'est à ce moment-là qu'il prend conscience de lui-même. Alors, pour que l'homme prenne conscience de lui-même, il faut qu'il soit sur le plan mental, il faut qu'il soit exécutif dans le mouvement atomique de cette conscience mentale, et c'est ce qui lui donne cette conscience d'être près de lui-même. Et tant qu'il n'est pas arrivé à ce stage, mais il n'est pas près de lui-même, il n'est pas conscient de lui-même, il est conscient, il n'est pas conscient d'être lui-même, il est simplement conscient. Et être conscient, ce n'est pas assez. Et tant que l'homme est conscient, il est assujetti à se faire jouer des tours par sa conscience. Tandis que lorsque l'homme est conscient de lui-même, il ne peut plus se faire jouer de tours parce que c'est lui qui auto-gestionne et auto-découvre. Parce que c'est lui qui a en lui la capacité de la pensée radiométrique. Autrement dit, une pensée radiométrique, c'est comme le phénomène du radar. Imaginez-vous que l'homme est un radar qu'il lance dans le cosmos des ondes, dans cette direction, pour aller chercher de la réflexion. Il lance dans cette direction des ondes pour aller chercher de la réflexion. L'homme est un radar. Et ce n'est pas symbolique ce que je dis. L'homme est un radar. Et lorsqu'il est radar, à ce moment-là, il est radiométrique. Qu'il tourne son esprit dans n'importe quelle direction, il va chercher de la réflexion. Et le phénomène du radar, c'est un phénomène intéressant chez l'homme parce que, selon la puissance de son radar, il ira puissamment dans le temps du mental, autrement dit, il ira de plus en plus loin dans le monde de cette conscience atomique, chercher l'information dont il a de besoin pour le travail qu'il a à faire dans un temps quelconque sur le plan matériel. Mais l'homme aujourd'hui ne fonctionne pas comme un radar, il fonctionne plutôt comme une bouée. Alors, selon les eaux, selon la surface calme ou troublée, la bouée monte ou descend. C'est pourquoi le phénomène humain aujourd'hui est un phénomène qui est pauvre d'esprit. C'est un phénomène qui ne vaut pas réellement la peine d'être vécu. Heureusement que l'homme a des mécanismes qui lui donnent l'impression d'être vécu. Et un des grands mécanismes, c'est l'amour, la sexualité, l'argent, la nourriture, les choses qui sont astrales. Mais imaginez-vous l'homme enlevé, si on lui enlevait ces mécanismes, la vie serait très plate. Et c'est ce qui se produira probablement dans le cas d'un certain nombre parmi vous, où il sera enlevé certains mécanismes, quitte à les reprendre plus tard. Mais le fait que ces mécanismes peuvent être temporairement suspendus créera suffisamment de changements dans le corps astral et le mental pour amener à l'homme la conscience de la radiométrie de sa pensée. Et ensuite, vous serez redonné en surplus ce qui vous aura été enlevé pendant la transmutation. Lorsque nous parlons du plan mental, nous employons des mots. Lorsque nous parlons de conscience atomique, nous employons des mots. Lorsque nous employons des mots, nous nous attachons d'une façon ou d'une autre à des mots. Dans la réalité, il n'y a pas de mots. La réalité ne fait pas partie des mots. Les mots ne font pas partie de la réalité. Les mots font partie de la création de la réalité. La réalité crée les mots. Donc, les mots n'ont aucune importance. Donc, les mots n'ont aucune signification. Donc, la seule chose qui est importante dans le mot, c'est l'énergie de la forme. D'où le pouvoir de la parole. Lorsque l'homme aura une pensée radiométrique, ce ne seront plus les mots qui auront pour lui de l'importance. Ce sera l'énergie de la pensée radiométrique qui créera une forme pour que ce continue dans le cerveau humain, sur le plan matériel. L'énergie radiométrique de cette pensée qui doit être véhiculée éventuellement dans une forme pour qu'elle soit rendue par la parole. Mais c'est très important pour l'homme de comprendre que les mots n'ont aucune signification. Et tant qu'il y a de la signification dans les mots pour vous, vous n'avez pas de pensée radiométrique. Vous avez une pensée subjective. Donc vous êtes philosophe, spirituel, psychologue, ainsi de suite. Historien, vous êtes quelque chose. Mais vous n'êtes pas au stage d'être rien pour être réellement une personne. Et c'est de cette impression que vous vivez, que vous vous nourrissez et qui vous donne des ailes. Mais si vous allez trop près du soleil, vous brûlerez vos ailes. Le phénomène icaresque est un phénomène qui est très réel. L'homme ne peut pas aller trop près du soleil. Autrement dit, l'homme ne peut pas vivre trop près de la réalité avant le temps. Et l'homme ne peut pas découvrir la réalité par les mots. Les mots sont simplement des formes d'énergie qui lui permettent de changer, de transformer lentement son mental et son émotionnel. Et si jamais au cours des années, vous continuez à vous attacher aux mots ou à la signification des mots, vous ne sortirez jamais de la condition planétaire de l'homme et vous ne connaîtrez jamais la pensée radiométrique et vous n'aurez jamais de paix sur la Terre. Vous ne serez jamais en paix sur la Terre. Pour que l'homme soit en paix sur la Terre, il faut que sa pensée soit totalement neuve, totalement non subjective, totalement objective, totalement radiométrique, totalement sans sens personnel. Dès qu'il y a un sens personnel dans les mots que vous utilisez ou que vous entendez, Vous colorez émotivement ces mots pour votre propre bénéfice personnel. C'est ça qui fait d'ailleurs, qui crée dans le monde la condition de la tour de Babel. Les mots n'ont absolument aucune signification. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre ceci, parce que l'homme fonctionne en fonction de la raison. Et la raison, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisation, au niveau de la couleur des mots, qui lui permet de bien comprendre la valeur des mots qui, émotivement, il a mémorisé depuis son expérience planétaire, ou selon l'expérience accumulative de l'histoire de l'homme. Donc les mots, autant ils sont bons, autant ils sont dangereux. Autant ils sont bons, autant ils sont dangereux. Ils sont bons quand l'homme a finalement appris qu'ils n'ont plus de signification, qu'ils ne contiennent que de l'énergie. Ils sont dangereux lorsqu'ils ont pour l'homme de la signification. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus l'énergie qui l'intéresse, c'est simplement la forme, la valeur du mot, donc la dimension psychologique du mot, donc la dimension de la personnalité de l'homme vis-à-vis le mot, la philosophie, la connaissance, l'intelligence, rendue connaissance, par le biais d'une synthèse, d'un système, d'une psychologie, d'une religion, ainsi de suite. L'homme devient prisonnier de l'âme. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes parmi vous qui comprennent ce que je dis. Éventuellement, il y en aura d'autres. C'est très important pour l'homme de ne mettre aucun poids dans les mots sur le plan de la signification. Les mots n'ont aucune signification autre que celle que nous leur donnons. Mais celle que nous leur donnons vient d'où? Elle vient de notre mémoire, elle ne vient pas de notre intelligence. L'homme doit autogérer, autogestionner la pensée. L'homme doit donner à la pensée la vibration qu'il veut pour que, communiquer dans le monde, cette pensée porte fruit. Donc, l'homme doit avoir une pensée radiométrique pour que cette pensée rendue dans le monde soit à la mesure de l'humanité à laquelle elle convient. Sinon, l'homme retarde l'évolution de l'homme et maintient l'humanité dans un cercle vicieux de mémorisation et d'éducation académique ou psychologique. Ceci fait partie de l'expérience de l'évolution. Je ne jette pas la pierre à ce que l'homme a fait. J'amène l'homme à découvrir autre chose qu'il fera. Si l'homme est trop prisonnier de ce qu'il a fait, il ne pourra pas réaliser ce qu'il fera demain, ce qu'il pourra faire. Il ne pourra pas développer les mécanismes qui lui permettront de faire ce qui est proportionnel en énergie, en intelligence, à sa pensée radiométrique. Autrement dit, il n'aura jamais le savoir. Il n'aura que de la connaissance. Et pauvre est l'homme qui a de la connaissance. Parce qu'il ne s'enrichit que de signification. La signification pour un homme, la signification pour un autre, la signification pour une nation, la signification pour une autre, la signification pour une culture, pour une autre, pour une religion, pour une autre, pour une philosophie, pour une autre, pour une psychologie, pour une autre, ce sont des significations totalement différentes. C'est pourquoi les scientifiques ne s'entendent pas. Les religions ne s'entendent pas, les peuples ne s'entendent pas, les nations ne s'entendent pas, parce qu'il y a trop de signification à l'intérieur des frontières de leur mémoire. C'est le problème humain. C'est la cause fondamentale du mal de l'homme. L'homme n'a pas besoin de signification, parce que l'homme n'a pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Pourquoi il aurait quelque chose à comprendre? Pourquoi? Mystère boule de gomme? Non. L'homme n'a rien à comprendre lorsqu'il a une pensée radiométrique. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre ceci. Parce que déjà, il y a de la signification dans le mot compréhension. Mais pourquoi il y a de la signification dans le mot compréhension? Parce que déjà, dans le mot compréhension, il y a de la mémoire. Parce que déjà, l'homme a compris. L'homme a déjà compris. L'homme a déjà vécu du phénomène de comprendre. Pour réaliser aujourd'hui qu'il ne comprend rien. Donc, le fardeau psychologique de l'humanité, le fardeau psychologique de l'homme est inouï, inouï, inouï. Le fardeau psychologique de l'homme est tellement grand que si on lui enlevait ce fardeau, il l'éviterait. Ça vous donne une idée? Le poids de la pensée humaine empêche l'homme de l'éviter, de contrôler la matière et de contrôler la gravité. C'est pesant, une pensée. Très pesant. C'est très pesant, une pensée. C'est pourquoi l'homme est sans pouvoir. et on ne réalise pas le poids de la pensée, parce que nous avons été construits avec des épaules qui sous-tendent des arches très bien organisées et très bien montées. C'est pourquoi c'est bon bientôt que je me retire. Parce que lorsque j'aurai commencé à me séparer de vous, j'aurai commencé à vous permettre de vous séparer de moi. Parce que vous ne pouvez pas vous séparer de moi seul. Donc, il faut que je vous aide à vous séparer de moi. Parce que la pensée radiométrique est trop puissante pour l'homme. Et la pensée radiométrique étant si puissante pour l'homme, automatiquement, elle force l'homme, sur le plan de sa pensée subjective, à essayer constamment de la rapprocher, de la comprendre, de la saisir. Mais l'homme ne peut pas la saisir, la comprendre, se rapprocher d'elle, tant qu'il a de la pensée subjective. Donc, la pensée radiométrique doit se retirer, ou le personnage qui la manifeste doit se retirer pour que l'homme puisse vivre de sa propre expérience, de sa propre solitude, en fonction de son propre contour, en fonction de son propre développement personnel, en fonction de ses propres illusions, à tous les niveaux. Les illusions de l'homme vont très loin. Ça prend des années avant d'en arriver à sortir du monde de l'illusion, avant d'en arriver à sortir de la pensée subjective, avant d'en arriver à sortir de l'impression qu'on a de la réalité. Ça prend des années, ça prendra des années. Et plus l'homme est près de la réalité, plus il a besoin de la comprendre. Et c'est une erreur. Parce que la réalité, ça ne se comprend pas, ça se sait. Donc, lorsque l'homme la sait, il n'a plus besoin de la comprendre. Alors, à ce moment-là, ceux qui la parlent n'ont plus besoin d'être dans sa vie. Différence entre l'enseignement et l'instruction, le maître et l'initié. L'être ascendant, l'être descendant, l'être cosmique, l'être planétaire, l'être qui a quelque chose à apprendre et l'autre qui n'a rien à apprendre. L'être qui ne vit que d'intelligence et l'autre qui vit d'expérience, et ainsi de suite. Le développement de la pensée radiométrique dans l'humanité changera complètement la face de la Terre. Elle séparera les flots de l'humanité en deux. Et elle exorcisera une fois pour toutes l'astral dans la pensée humaine, pour élever l'humanité à un niveau de conscience créative qui n'a jamais été égalé, même durant les plus hautes périodes évolutives de l'Atlantide. Donc, la seule réaction, la seule raison pour laquelle l'homme qui a une pensée radiométrique dans le monde, la seule raison pourquoi il y a un homme avec une pensée radiométrique dans le monde, c'est pour faire connaître l'existence de principes issus de cette pensée radiométrique, afin que l'homme puisse réaliser, comprendre avec le temps qu'en lui existe la totalité de la conscience mentale qui existe dans le cosmos. Et ça, c'est un des grands secrets qui ont été voilés à l'homme, qui n'ont jamais été dit à l'homme par les voies de l'astral, parce que l'astral est beaucoup trop jaloux de la vie humaine pour expliquer à l'homme la totalité de son infinité. Il est évident que jamais le monde de la mort n'ouvrira la vie ou la porte à la vie à l'homme, puisque eux-mêmes sont dans le monde de la mort. Pour que l'homme sache, pour que l'homme comprenne, pour que l'homme réalise son infinité, pour que l'homme touche du doigt son infinité, pour que l'homme puisse aller avec son propre mental dans toutes les dimensions de l'infinité du mental, il faut qu'il soit totalement radiométrique. Sinon, il sera constamment éberlué ou berné par des intelligences qui sont déjà très loin de la radiométrie de la pensée et qui font partie du monde de la mort, du monde des intelligences qui gouvernent astralement l'humanité pour des fonctions évolutive planétaire qui dure depuis des millénaires. L'homme doit un jour en arriver à être capable de, par son propre mental, de commander à toutes les matières qui existent dans les sous-plans de sa conscience mentale. Et les sous-plans de la conscience mentale sont les sous-plans qui éventuellement seront gérés et gouvernés par l'homme, comme ils sont gérés et gouvernés par les autres races qui viennent d'autres planètes et qui contrôlent l'évolution des systèmes très très avancés de la vie. L'homme ne peut plus vivre dans l'ignorance de son pouvoir. L'homme ne peut plus vivre dans l'ignorance de son pouvoir. L'homme doit devenir un jour son propre soleil. Mais quelle force ça demande pour rejeter la mémoire de l'âme inscrite sur le tableau de ses émotions pour le profit d'une génération de morts qui inéluctablement ont contrôlé l'évolution. L'homme doit régir son intelligence comme il régit la pâte avec laquelle il fait du pain. L'homme doit prendre conscience de son intelligence dans le plan mental comme il prend conscience sur le plan matériel de la matière. L'homme doit unir ce qui est haut en lui avec ce qui est inférieur en lui. L'homme doit former lui-même la synthèse. Mais pour qu'il forme la synthèse, il faut qu'il ne soit plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'il n'y ait plus en lui de pensée capable d'éteindre le feu de cette vibration qui prend naissance dans un plan qui naît de la lumière et qui cesse avec la lumière. Mais pour que l'homme sache, pour que l'homme réalise, pour que l'homme soit en dehors de toute limite mentale, il faut qu'il soit dans une pensée qui ne convient plus à l'homme et qui n'a plus de signification pour l'homme. Tant que l'homme a de la signification de la pensée, tant qu'il met de la signification dans la pensée, il cherchera à comprendre la signification de la pensée parce qu'il cherchera à comprendre où le mène sa pensée. Et la pensée de l'homme ne le mène nulle part dans le monde. La preuve, c'est que les hommes cherchent depuis des siècles. Alors, la pensée humaine ne mène nulle part dans le monde parce que l'homme cherche depuis des siècles. Ce n'est pas la pensée qui doit mener l'homme. C'est l'énergie qui fait partie de sa façon de voir à travers la lentille de son mental pour le bénéfice de quoi? De l'humanité. À travers qui? Lui-même. Pour le bénéfice de qui? Lui-même. En convention de quoi? Un gouvernement mondial éventuellement invisible et intouchable. Mais les données qui surgissent de la pensée radiométrique sont beaucoup trop vastes pour l'humanité, sont beaucoup trop vastes pour l'homme. Mais elles doivent être ainsi pour que l'homme puisse commencer à sortir de l'affaiblissement, de l'apprivoisement qu'a établi sur lui sa pensée subjective. L'homme a été apprivoisé par sa pensée subjective comme l'oiseau est apprivoisé par le chat. L'homme est tellement apprivoisé par sa pensée subjective qu'il n'est plus capable de sortir d'elle. Il n'est plus capable de vivre sans signification. Ça vous donne une idée. Et chacun de vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette situation. Vous n'êtes pas capable de vivre sans qu'il y ait dans votre vie de la signification. C'est ce qui donne à votre vie de la couleur. C'est ce qui donne à votre vie un élan, une direction quelconque. Si il vous était retiré instantanément toute signification dans votre vie, vous mourriez. Vous deviendriez fou allié. Vous deviendriez totalement végétatif. Vous n'êtes pas capable de vivre sans signification. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de vivre au niveau de votre esprit. Vous ne vivez qu'au niveau de votre ego. Si on continue dans le domaine de la radiométrie de la pensée, l'homme découvrira un jour que, contrairement à ce qu'il pense, mais parallèlement à ce qu'il sent, la pensée humaine n'a aucune limite. Ceci veut dire que la pensée humaine est capable d'aller chercher de l'information dans l'univers très loin. Autrement dit, la pensée humaine est capable de voyager dans le temps. Et à cause de cette capacité qu'elle a, la pensée humaine, de voyager dans le temps, elle est capable de générer dans l'homme, selon sa radiométrie, selon le taux vibratoire de sa pensée, elle est capable de générer dans l'homme toute la science dont il a de besoin sur une planète. Mais quelque chose d'absolument drôle dans le phénomène de la pensée radiométrique, c'est que la pensée radiométrique n'éclaire pas l'homme lui-même. Elle éclaire toujours le monde dans lequel il est. La pensée subjective éclaire l'homme. Parce que l'homme a besoin d'être éclairé. L'homme a besoin de se connaître, de se comprendre. Mais lorsque l'homme a une pensée radiométrique, la pensée radiométrique n'éclaire plus l'homme, parce que l'homme vit dans un vide. Donc, il n'y a plus besoin d'être éclairé. Il devient lumière. Au lieu de lui être éclairé, il devient éclaireur. Voyez-vous, vous dire? Puis quand l'homme commence à prendre conscience de lui-même, il commence à prendre possession de cette énergie-là et il commence à la manipuler. Et ça prend un certain temps pour la manipuler, cette énergie-là. Parce que l'homme est un être spirituel et est un être pensant, et parce qu'il est un être spirituel, quand il tombe dans le domaine d'une pensée de haute vibration, il ne sait pas la camoufler. Autrement dit, l'homme ne sait pas parler à l'homme radiométriquement. Il parle à l'homme subjectivement tout le temps, même s'il a une pensée très, très évoluée. Et ça, ça peut être pénible, ça peut être même dangereux, parce que l'homme doit être le gestionnaire de sa pensée. L'homme doit mesurer l'effet que sa pensée crée dans le monde. Dans le domaine inusité de la diplomatie, par exemple, les diplomates savent peser leurs mots. Ils appellent ça peser leurs mots. Mais dans le domaine de la pensée radiométrique, c'est très important que l'homme pèse ses mots, dans le sens qu'il mesure sa pensée. Et ça, c'est un des très grands désavantages de l'homme, soit spirituel ou soit ésotérique. L'homme ésotérique ou l'homme spirituel ou l'homme qui a une pensée plus haute en vibration se doit de mesurer sa pensée, de savoir la contrôler, sa pensée, savoir en mesurer la vibration. Quand il parle dans le monde, sans ça, il va créer des chocs. Sans ça, il sera mal compris, sera mal interprété, sera mal jugé ou sera... se placera dans une situation qui n'est pas confortable. Le grand danger de la conscience, avant que l'homme devienne conscient de lui-même, c'est de ne pas être capable de mesurer sa pensée, de ne pas être capable de la couper, de la trancher avec précision pour en donner un morcellement à l'homme. Et donc, il se produit un phénomène d'erreur psychologique terrible qui peut mettre à terre la carrière d'une personne. Un homme qui travaille, par exemple, dans un milieu qui est très structuré, comme la médecine ou le droit, ou même dans les affaires, ou, ne peut pas se permettre de ne pas bien utiliser sa pensée créative. Il y va du besoin de l'homme de bien connaître la limite de ce qu'il dit, de bien connaître ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Et aussitôt qu'il est moindrement entaché d'une valeur spirituelle quelconque, d'une valeur spiritualisante quelconque, il perd le contrôle de ça. Il perd le contrôle radiométrique de sa pensée et il devient totalement assujetti à ses émotions dans la forme. Je lisais dans le Time, dans le Newsweek aujourd'hui ce matin, qu'on vient de terminer le film de Gandhi. Et on s'aperçoit d'un phénomène assez extraordinaire parmi les grands hommes qui ont marqué notre histoire. C'est que dans leur biographie ou dans leur autobiographie, mais surtout dans leur biographie, parce que dans une autobiographie, on se louange, tout autre chose. Mais dans une biographie, quand quelqu'un écrit ou a suivi tel ou tel grand homme, on s'aperçoit qu'il y a eu des erreurs monumentales dans le jugement de ces hommes vis-à-vis d'autres hommes. Comme Churchill, par exemple, n'a jamais pu saisir la valeur réelle de Gandhi. Il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui n'ont pas saisi la valeur réelle de Gandhi quand il était vivant. Oh, quand le bonhomme est mort, à ce moment-là, on fait une apothéose. On rend public sa philosophie, ainsi de suite. On parle toujours en bien des morts. T'sais. Mais parler en bien des vivants, c'est pas facile. Et quand un homme est dans le monde, c'est encore plus difficile de parler en bien de lui. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de radiométrie suffisamment avancée dans notre mental pour être capable de voir seulement le de voir et d'utiliser seulement ce qui est bon et grand dans les hommes. On peut voir ce qui est pas bon dans les hommes, on peut voir ce qui est écourté dans l'homme. Mais on ne doit utiliser que ce qui est bon dans l'homme. Un homme a

Mais ça, c'est son espace. Il faut que vous preniez votre espace. On n'est pas des cellules. Après un corps, ça, c'est bon pour la mystique spirituelle chrétienne. Les cellules du Christ. Tous les virus du Christ. Si je comprends ça, la différence entre l'espace, la distance entre vous autres de temps en temps, quand c'est un petit peu trop, les corps s'ajustent, ensuite vous revenez, vous êtes content de le voir, et l'éloignement. Quand je dis que l'homme ne pourra rien faire créativement au niveau de la pensée radiométrique tant que les conditions ne seront pas remplies, moi ça fait des mois puis des mois puis des mois que je parle d'un centre, qu'on ait un centre, qu'on ait une place pour se rencontrer, pour jouer au pool, pour s'amuser, donner des conférences, ainsi de suite. Des mois que j'en parle. Puis il y a toujours des interférences, puis des interférences, puis des interférences. Pourquoi est-ce qu'il y a des interférences? Parce que les gens ne sont pas prêts. J'ai aidé à monter une structure. Il y a des gens qui sont prêts à ça, qui sont prêts à le faire, le mouvement. Tout des interférences. C'est l'énergie qui fait interférence, parce que les gens ne sont pas prêts. Les gens n'ont pas la maturité de la liaison sociale. Il y a une différence entre une liaison sociale à plusieurs unités puis un groupe de moutons. Pas de groupe. On a assez de groupes dans le monde. On est assez groupés qu'on a la grippe. Des liaisons, des affinités, des relations, ça c'est plaisant. À ce moment-là, on aura un sens. Que je construise des structures pour qu'on s'amuse ensemble. Distance, rapprochement, distance, rapprochement, là c'est une affaire, là, c'est plaisant. Sans ça, ça devient une béquille. Fait que moi je vais partir puis le groupe va devenir une béquille pour ceux qui sont dans le groupe. C'est pas intelligent. C'est remplacer une petite béquille par une grosse béquille. Un jour, vous apprécierez ça. Vous comprendrez ça. Qu'on est bien dans la vie quand on n'est pas en groupe. Quand on a des liaisons à plusieurs unités. À l'intérieur de laquelle on peut prendre notre distance quand on veut. Se rapprocher quand on veut. C'est ça, être libre socialement. Sans ça, c'est une autre forme de religion. C'est une autre forme de messianisme. C'est très précis, la pensée radiométrique. C'est pour ça qu'elle est si belle. Il y en a combien parmi vous autres qui sont prêts à collaborer à la formation d'un groupe, d'une structure, d'un centre? Pensez pas, là. Celui qui est en charge de ça, c'est d'avoir une lettre bien vite, là. Répondez-y. Après ça, on le développera, puis on le développera, puis on le développera. Pas moins. Je suis pas là-dedans. Ce que vous ferez, c'est vous autres qui le ferez. C'est vous autres, c'est votre affaire. Je peux diriger, je peux donner des idées pour que ce soit intelligent, pour que ce soit bien fait, pour que ce soit esthétique, pour que ce soit plaisant, ainsi de suite. Ce que vous allez faire sur le plan matériel avec votre intelligence dans les années à venir, ça va faire partie de vos activités, que ce soit dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le domaine du film, de la construction, ça va faire partie de votre activité. Ça fait partie de votre énergie, pas de la mienne. Moi, j'ai assez de faire ce que je fais. C'est à vous autres de faire vos affaires. On sait, vous savez ce que vous avez de besoin, on sait ce qu'on a de besoin, on le fait. Mais il faut pas se compliquer la vie. Il y a des gens parmi nous autres qui sont totalement intègres, de mon point de vue à moi. Et la belle, lève-toi dans la belle. Bernard Labelle, c'est pas un cadeau, cette affaire-là. Le point n'est pas là. Il faut pas qu'il soit un cadeau. Il faut qu'il soit pas un cadeau. Fait comme ça, l'affaire est gérée avec intelligence. Comme un businessman règle et gère une business. Ensuite, il y a lui ici, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Vous là, vous autres? Il y a Moses, c'est un autre qui n'est pas un cadeau. L'autre, il est plus un cadeau. Y en a-tu d'autres? Y en a-tu un autre? Il y en avait un autre. Fernand. Il y a Fernand, comment ça s'appelle? Fernand? Bernard Ferland. C'est un autre. Comment c'est plaisant, le fun. Alors, vous avez quatre hommes qui ont de l'expérience dans la gestion des affaires, qui sont totalement intègres de mon point de vue à moi. Si vous faites quelque chose, ce sont ces hommes-là qui géreront vos affaires. Puis il y en aura d'autres parce qu'il y a un comité de sept là-dedans. C'est la charte fédérale. Mais faites leur confiance à ces hommes-là. Si vous leur cassez les pieds, ils vont vous sacrer dehors. Comment que ça va aller? Ils vont vous sacrer dehors. Parce qu'ils sont suffisamment près de leur intelligence pour comprendre les lois vibratoires de l'ego. C'est tout un job de monter une affaire à main. S'occuper de la légalité, des comptables, la comptabilité, tout. C'est un job. Il n'y a pas de raison que dans quelques années, on n'ait pas une place quelque part, que ce soit n'importe où, qui nous convienne, qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse relaxer, qu'on puisse continuer à faire des conférences, d'autres personnes faire des conférences, avoir du vidéo, je ne sais pas, moi, c'est des idées, il y en a à l'infinité. Mais il faut que ça soit supporté par toutes vous autres, dirigé par eux autres, mais supporté par vous autres. Fait que faites pas de mouvement tant que vous n'êtes pas sûr. Faites pas de mouvement pour des raisons purement émotives puis spirituelles. Vous allez frapper des récifs parce que c'est pas des cadeaux. Surtout les deux grands, là. C'est pour ça que ils ont fait en sorte que ce soit ces deux hommes. Surtout la belle. C'est pour ça qu'ils ont choisi des gens qui sont totalement, qui sont pas sociables. Mais qui sont très sociables. Sur le plan financier, ces hommes-là, s'il y a un mouvement dans cette direction-là, seront seront ceux qui sécuriseront vos argents et manipuleront vos argents pour la construction de choses qui seront nécessaires. Si vous avez des idées, il y en a d'autres qui auront les mêmes idées. Ça, ils s'universalisent, ces idées-là. Puis éventuellement, les idées viendront dans la tête de ces gens-là, puis ça se fera. C'est comme ça que ça marche. C'est une pyramide. Ça part de bas en haut ou de haut en bas, c'est la même énergie. Viendra un temps, ça sera plaisant pour vous autres d'avoir un centre, parce que viendra un temps où vous serez suffisamment radiométrique dans votre intelligence pour vivre sur le plan humain des relations réellement amicales, plaisantes. Les gens seront tous plus intelligents. Les gens se casseront moins les pieds. Fait que ça sera plaisant pour vous autres de vivre. Ça sera votre club privé. Et club privé, ce sera totalement privé. Moi, ce serait un petit club, privé, fermé. C'est dans vos mains, c'est à vous autres. Moi, je vous donne des idées, je vous donne de l'énergie. Il faut que vous serviez aussi de votre énergie. Moi, j'ai plus les forces de rien entreprendre sur le plan matériel. Le pouvoir exécutif et créatif de l'intelligence dans l'homme, c'est inouï. C'est inouï. Ce qui bloque l'homme. C'est son ego. Tout le temps son ego, puis ça sera tout le temps son ego. Bon, c'est évident que si vous allez faire quelque chose, il faut que vous soyez suffisamment dans votre intelligence, suffisamment dégagé au niveau de votre subjectivité pour faire quelque chose à ce moment-là. Tout ce que vous allez le faire sur le plan collectif. Puis ça n'a pas de fin, ça. Ça part d'un centre, puis après ça, ça va dans l'industrie. Bon, au moins, quand vous aurez besoin des jobs, vous pourrez travailler pour vous-même. Mais ça sera encore toujours la même loi. Tout le temps la même loi. Il y a des gens qui ont très souffert dans la vie sur le plan matériel, sur le plan de leur corps physique, pour comprendre, pour avoir la vibration. Ils n'ont pas encore la sensibilité, ils n'ont pas la radiométrie dans le mental pour ne pas faire d'erreurs. Ils en font des erreurs tout le temps. Mais ils ont la vibration, et la belle, ça en est un. Il en fait constamment des erreurs, la belle. Mais le point n'est pas là, c'est qu'il y a la vibration. C'est pas un speaker, la belle. C'est un constructeur, c'est un homme pour mettre ensemble, amener ensemble des forces pour ériger une structure. Et là, sa job, sa qualité d'homme. C'est à nous autres de l'apprécier, cette qualité d'homme-là, au lieu de voir simplement les erreurs psychologiques qu'il peut faire dans la manipulation de l'énergie. Regardez derrière les personnes de ceux qui conviennent ou qui ont convenu ou qui conviendront à former le comité de sept, qui sera la base mentale de l'organisation matérielle de vos finances, si vous décidez éventuellement de faire quelque chose pour vous sécuriser, pour vous donner du plaisir dans la vie matérielle. Ça va loin, il n'y a pas de fin, ça. Si vous êtes pogné dans votre ego, mais là, ça sera votre propre situation. Vous la vivrez, votre situation. Personne ira vous chercher ou vous forcera de faire quoi que ce soit. Mais si vous êtes dans votre intelligence, vous savez ce qui doit être fait. ce qu'on a besoin. On a besoin de certaines choses sur le plan matériel. Plus on va, plus on est vidé. Plus on va, plus on est dans le vide. Alors, plus on va, plus on doit rebalancer notre astralité, la recréer, se recréer une nouvelle astralité. Moi, je sors pas. Je fais rien. Je ferai chez nous. Quand je veux sortir, quelle place que je vais? Je vais au restaurant de Jean-Pierre. J'appelle là. Je mange. Je prends un petit verre. Ensuite, je m'en retourne chez nous. C'est mon restaurant. Je me sens totalement comme chez nous. Alors, on a besoin de rebalancer nos vibrations. Sans ça, on vient ici, puis ici, puis ici. Il faut descendre sa terre de temps en temps. Les gens ne comprennent pas ça qu'il faut descendre sa terre. Un jour, vous allez comprendre qu'il faut descendre sa terre. Parce que quand vous allez vivre ces vibrations, qui deviennent de plus en plus fortes, vous allez avoir besoin d'un relax. Imaginez-vous pas que l'homme, c'est une partie qui est purement cosmique ou que c'est une partie purement matérielle. L'homme, c'est deux. Deux parties totalement infusées l'une dans l'autre. Le cosmique et le matériel. On devient vibratoire. C'est rendu que la belle a détention de servir le public dans son garage. Il y a détention. Il aime ça quand c'est des séminaristes qui viennent dans son garage parce qu'il n'y a pas de tension avec eux autres. Ça commence à être grave. Il y a des gens parmi nous autres qui ont des compagnies, des organisations. Faites-les savoir. Moi, vous en parle en public. Il y a un architecte en arrière qui va aider la belle. Vous avez un plan, vous autres, au niveau de la parole? On va aller à la belle. Et tu travailles avec des gens conscients, c'est plaisant. Il y a l'autre, le matin, que j'ai parlé, là, qui s'occupe comment ça s'appelle ça? L'eau. Filtreur d'eau. Un jour, vous devriez travailler tous à l'intérieur de vos propres structures. C'est ça de l'intelligence. Dans 10 ans, dans 15 ans, ça vient pas tout d'un coup, ça prend un financement. Mais un jour, vous deviez travailler dans vos propres structures. C'est pas les idées qui manquent. Mais ça prend de l'intelligence en enfantienne, par exemple. Descendre un rêve dans la matière, ça prend beaucoup d'intelligence et beaucoup de volonté. Beaucoup de ténacité. Pas d'illusion. Le temps. Travaillez avec le temps. Mais sachez où vous vous en allez dans le temps. Moi, je vous parle en 82. Je vais être là jusqu'en 84. Je ne vais pas parler tout le temps. M'arrêtez un jour. 84, il faut que ça soit stabilisé, la vibration. Il faut qu'elle soit stabilisée, la vibration 84. À ce moment-là, ben, on se met en pâte, puis on s'organise, puis on fonctionne. Il y a des gens qui voudraient s'ouvrir un petit business qui coûte pas cher, ils sont pas capables parce qu'ils ont pas de crédit, ils ont pas de capital. Quand vous aurez du capital, à ce moment-là, ben, vous irez dans votre propre banque chercher de l'argent pour votre petit business, puis vous leur payerez à 3% d'intérêt par année pour la bonne intention. Faut que vous repayiez 3% par année, parce que si vous payez pas pour 3% par année, c'est du vampirisme. Tu prends quelque chose, t'échanges. Fait que si votre corporation vous prête de l'argent à 3% par année, c'est mieux que les Juifs font. Ou les banques. Fait qu'au moins, vous remettrez un petit 3% dans la corporation. Fait que la corporation devient un petit peu plus forte, subliminalement. C'est comme ça qu'on fait les affaires. Le monde des affaires, le monde de la gérance, de la gestion, ça fait partie du monde humain. Faut que les hommes descendent un jour de leur tour d'ivoire spirituel pour rentrer dans l'intelligence, pour concrétiser dans la matière ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils savent qu'ils ont besoin. Ça fait partie de vous autres. Ça fait partie de vos activités, de votre énergie. Je vous indique des chemins, des voies, des aspects. Mais c'est vous autres qui allez le créer. Je l'ai dit à la belle. Moi, je ne mets rien. Je mets rien sur mes épaules. Je suis plus capable de prendre rien sur mes épaules. Je me désengage totalement sur le plan matériel de ce que je fais. Que ce soit sur le plan matériel ou que ce soit sur le plan des sciences. La science, la même chose. Je ne m'engage pas. Je parle et c'est le seul engagement que j'ai. Jusqu'à temps que j'ai fini de parler. Sans ça, je crèverais. Je mesure pas 6 pieds 10, moi. Des forces, j'en ai plus. J'ai bien de la gueule, mais j'ai plus de force. Mais la force est dans ma gueule. C'est ça qui me tient. Plus je parle, plus je fonctionne. Je m'énergise. Aussitôt que j'arrête de parler, je tombe. Je me repose. Que de là, je me reposer. Pas d'une piste de parleur, je m'en vais chez Jean-Pierre. Un jour, vous irez vous reposer chez vous. Vous pourrez aller vous reposer chez Jean-Pierre. Quand vous aurez un centre, vous aurez une classe pour vous autres. Vous pourrez avoir du fun. Mais il faut que l'homme construise ce qu'il veut. Il faut que l'homme construise ce qu'il veut. Alors, si l'homme veut quelque chose, qu'il construise. Mais il faut que tu saches ce que tu veux. Après le nom, avec les années... à faire fructifier ce que vous avez au lieu de le perdre. Je Je leur ai dit, j'ai dit à la belle, puis le groupe, puis le comité, j'ai dit, quand vous prenez une décision, que la décision soit totalement anonyme. Si la décision est totalement anonyme, c'est parce que ça passe. Si elle n'est pas anonyme, c'est parce qu'il y a une condition et vous le saurez dans le temps. Attendez, asseyez-vous sur vos fesses. Mais si vous êtes tout anonyme dans une décision, allez. Vous n'avez pas besoin du consensus de Bernard de Montréal ou de personne d'autre. Il y a du grand monde parmi vous autres, mais vous ne les connaissez pas. Du grand monde parmi vous autres. Il y a du monde qui sont grands, qui ne savent même pas qu'ils sont grands. C'est grave quand tu es rendu à ce point-là. Quand tu ne connais pas ta mesure. Il y a une notaire. On a une notaire ici. France Gascon. C'est une notaire. Vous avez besoin d'une notaire. Bien, servez-vous d'une notaire qui fonctionne. Une notaire consciente, une notaire évoluée, une notaire qui suit votre longueur d'onde. Je peux pas vous commencer à vous dire tout le monde qui est son titre. Parlez-vous, vous allez vous connaître, vous allez vous rencontrer. C'est plein de monde parmi vous autres qui ont certaines fonctions dans la société, qui font certaines choses. Utilisez-vous gentiment. Qui est échange équilibré entre vous autres. Un jour, quand vous aurez réellement compris ça, vous comprendrez pourquoi c'est si important pour l'homme conscient de travailler et de fonctionner avec des êtres conscients. Moi, je n'oserais jamais amener mon char autre que chez la belle. Jamais. J'ai la chienne quand je vois le garage. On est passé le stage de la vente puis du marketing, là, ici, là. Puis de la publicité. On est au stage de l'intelligence. L'objectivation de l'intelligence dans la matière, dans le monde de tous les jours. Puis au stage de niaiserie, là. C'est notre vie. C'est pas nos idées, c'est notre vie. Un jour, vous comprendrez qu'est-ce que c'est une pensée radiométrique. Vous saurez qu'est-ce que c'est une pensée radiométrique. Vous verrez que c'est puissant, une pensée radiométrique. C'est la vie dans le mental de l'homme, pour le bénéfice sur le plan matériel de l'homme. Mais on y a accès lentement, mollo. Si vous avez des critiques à faire contre les gens, mesurez-la. Soyez bien sûr que vous avez raison. Bien sûr que vous avez raison. Le docteur Arbeck parmi nous autres, au coin. C'est un autre, le docteur Arbeck. Il y en a qui ont des maladies. Allez voir le docteur Arbeck. Il va faire à l'intérieur de sa compétence, sinon il va vous envoyer un autre. Sachez donc qui fait quoi, who's who, parmi vous autres. Ça va, vous allez voir qu'il y a des gens de talent, il y a des gens de... des avocats. Tout d'abord, un avocat, les gens viennent me voir, Bernard, as-tu un avocat? Penses-tu que vous passez tout mon avocat? Il t'a prêt à sauter, lui, au bureau, là-bas. Là. Il sait pas si je t'ai prêt à runner une mafia. Il vient de moi, là, c'est un site. Il y 50 clients que j'envoie. Il ne faut pas que j'arrête, tombe en panne. Trouvez-vous des avocats?